Bonjour et bienvenue maintenant, en ce 11 septembre de l'année 2019, à un autre entretien en compagnie de Berthold. Ici, David que vous entendez et Berthold que vous voyez à l'écran. Donc, bonsoir Berthold, ça va bien? Oui. Excellent. Bonjour. Oui. Bonsoir, bonjour. Tout dépendant à quel moment vous écouterez, bien entendu, l'enregistrement, que ce soit le soir ou le jour. Donc, avant de débuter, à proprement dit, je tenais à prendre quelques instants pour remercier Issia Perrin, qui a réalisé plusieurs transcriptions d'entretiens que j'ai fait avec Berthold dans le passé. Et vous allez pouvoir retrouver les liens de ces différents entretiens en bas de l'enregistrement présent, là, dans l'espace là, qui figure en bas là, sur YouTube. Donc, pour les gens qui s'intéressent, et c'est sûr que ces transcriptions vont servir éventuellement pour la réalisation d'un livre se rapportant aux différentes entrevues qu'on a faites au fil du temps. Donc, à partir des meilleurs extraits des entretiens, bien, ça va nous donner un matériel qui va être utile par la suite pour synthétiser ça à travers un livre, éventuellement. Donc, ceci dit, on va commencer. Donc, pour débuter l'entretien d'aujourd'hui, je voulais t'amener à parler de qu'est-ce qui t'a amené à l'origine à canaliser à travers ta parole. Ben, c'est que je souffrais beaucoup psychologiquement. Puis à un moment donné, bon, j'ai décidé, entre guillemets, un peu de. Je vivais des dépersonnalisations. Dans des états là, de dépression profonde, puis je me rendais compte que il y avait de l'information, mais par après, quand je suis tombé là, sur des sujets qui parlent des canalisations, puis bon, ben, j'ai décidé de m'y mettre un peu, puis je me suis rendu compte que si je le partageais, ça accentuait le phénomène. Dans le sens que plus que tu partageais tes canalisations, plus que tu en vivais. Oui, parce que j'ai eu une époque où j'avais beaucoup de gens qui venaient me voir, puis on discutait, puis des fois, ça arrivait. Les gens, là, se mettaient à parler de certains sujets, puis ça activait le phénomène. Puis après, avec des proches, puis par après, j'ai subi, là, ben, j'ai subi, il y a eu un événement, j'ai eu une rupture, puis j'ai attendu un an, puis j'avais plus personne, parce que cette relation-là a fait que j'ai eu moins d'amis, j'ai déménagé dans une autre ville, puis c'est ça, là, j'avais plus personne après ma rupture, puis j'ai correspondu avec des gens, puis finalement j'ai attendu un an, puis c'est là que j'ai décidé d'ouvrir une chaîne, je me suis mis à parler sur Internet. Oui, mais pour ce qui est de l'origine en tant que telle, de canaliser puis vivre la dépersonnalisation, ou d'entrer en contact ni plus ni moins avec l'esprit, si on peut dire. Ça a été vers quel âge, dans ton cas? Ben, je dirais, les premiers phénomènes psychiques, c'est assez jeune. Mais j'aurais pas appelé ça de la canalisation, là. Disons que j'étais confronté à des phénomènes, tout simplement. Puis, c'est des choses très variées, là, je pouvais faire des rêves dans lesquels se retrouvaient des éléments culturels que je connaissais pas. Puis, par après, je voyais un documentaire avec ça dedans. OK, mais à premier âge, en tant que tel, est-ce que tu as pris conscience que tu canalisais quelque chose, puis que ça venait pas de toi en tant qu'ego? Vers, je dirais, là, la mi-vingtaine. OK. Puis, dans le fond, quand tu as commencé à vivre ça, est-ce que tu as vécu de la peur, de l'incompréhension? Comment tu as réagi? J'avais tellement subi des états de dépression profonde puis de souffrance psychologique que de la peur, non, c'est arrivé des fois des états de peur parce que des fois il y a des états de vide qui étaient tellement, c'était tellement profond que ce qui me ramenait, qui me sortait de ces états de peur, de vide-là, c'était la peur. Parce que c'était des phénomènes nouveaux. Mais il y a eu tellement de choses différentes. Mais oui, quand il y a des états de dépersonnalisation, quand c'est une grande souffrance psychologique, c'est quelque chose, c'est une façon de se réfugier. Puis ça fait qu'on devient tout simplement, là, c'est comme il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de réflexion. Mais il reste que quand ça, on n'est plus dans un état de dépression, puis que ça arrive, ben là, c'est inquiétant. Puis c'est la peur qui fait qu'on se remet à... On réfléchit la peur, ça finit par devenir de la crainte, puis on se remet à penser, à réfléchir. OK. Et puis, dans le fond, est-ce que en lien avec la canalisation que tu as faite après avoir commencé à canaliser, est-ce que ça t'a amené à te redéfinir sur le plan personnel, solo? Est-ce que ça a changé ton rapport avec l'univers, avec l'esprit, avec Ben, finalement, ce que je pourrais dire, c'est par rapport à ça, c'est que c'est ce qui a fait que la souffrance psychologique est disparue. Donc oui, mais j'ai plus l'impression d'avoir été redéfini que de m'être redéfini. Ah, c'est intéressant. Redéfini par qui ou par quoi? Peu importe. C'est pas important, mais ça Ben, fonctionne. oui, c'est sûr que dans un sens, ce qui est important, c'est le résultat. C'est dans le sens que ça te permet de sortir d'un état de dépression, puis ça te redynamise. Mais en même temps, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder au niveau des causes, dans le sens, au niveau occulte, que ce soit ce que certains appellent l'ajusteur de pensée, le double éthérique ou l'esprit. Il y a quand même une force ou une intelligence qui est Ben derrière oui. ça, de mon point de vue, là. Mais au fond, c'est pas pour rien que c'est occulte, que c'est occulté, parce que est-ce que c'est réellement important? Mais il reste que il est arrivé par après, quand j'ai été, avant d'être sur YouTube, j'ai été un bout de temps dans des groupes de philosophie. Puis je me suis mis à, si on peut dire, là, au lieu de faire comme les autres et puis de traiter d'un matériel qui existait déjà, j'étais en train de faire le mien. Puis je me suis rendu compte que je me suis mis à parler en disant que j'étais plusieurs, qu'il y avait d'autres moi. Puis c'est devenu là de plus en plus, mais j'avais pas eu contact là avec rien de matériel qui parlait de ça encore. Mais Mais c'est c'est comme en oui. rêve, j'ai jamais eu l'impression que j'avais le contrôle, mais plus qu'on me contrôlait. Puis c'est pareil. Pour d'autres phénomènes, là, moi, j'ai jamais eu l'impression, au niveau là, des projections, d'aller quelque part, mais on m'amenait quelque part. Puis, j'ai fini par avoir l'impression, si on peut dire une impression, là, une intuition profonde que c'était moi quand même, mais à d'autres niveaux. Oui, ben d'ailleurs, il y a certaines personnes qui vont parler du grand moi, le moi transcendantal, le moi réel, versus le Un petit moi, seul. l'ego, le moi empirique. Ben, j'avais déjà lu Carl Gustav Jung il y avait longtemps avant, mais à mes yeux, c'est pas ce que lui appelle. Ça n'a rien à voir, là, à mes yeux, avec la psychologie jungienne. Ben, peut-être lui, au fond, il avait une intuition de certains phénomènes, mais c'est déformé là, par l'intellect de quelqu'un qui est un penseur avec son système à lui. Oui, mais tout est reçu selon la forme du récipient, naturellement. Ben, il reste que, même si c'est une étude de l'intuition, de ce qu'on pourrait appeler ce qui vient de là, ce qu'il appelle le numineux, le noumène, il reste que probablement qu'il n'avait pas le choix, là. C'est des gens qui sont dans l'intellect. Donc, ça prend cette forme-là. Oui, il faut dire aussi que Carl Gustav Jung y a œuvré avant 1969, essentiellement. Donc, il était Ah avant oui. l'âge de la fusion dans lequel Ben, je l'humanité crois est entrée. qu'il est mort dans les années, justement, là, il était très vieux. Ben, je veux dire, rendu, si je me... Il me semble que c'est au début des années 60 qu'il est décédé, ou même peut-être avant, ou un peu après, je sais pas. Mais même là, est-ce qu'on a besoin de faire une ligne du temps, puis de dire, bon, ben, 69, c'est officiel, puis là, ça a commencé là, puis... Je pense qu'il y a toujours eu des gens qui canalisaient, mais comme ils n'étaient pas nécessairement dans l'intellect. Ben, c'est-à-dire qu'il était dans l'intellect, mais il n'était pas dans une conscience vibratoire, là. Mais je donnais ce point-là de Oui. repère en lien avec le Bernard de Montréal et Oui. son instruction, parce que des Ben. gens qui ont canalisé au niveau de Bernard, en tout cas en ce qui me concerne, J'en ai pas vu ou lu dans des livres avant ça, là. Des gens qui montaient une vibration aussi haute, là. Ben, s'il y a eu des gens qui avaient des vibrations vraiment hautes, qui canalisaient des certaines choses, puis qui avaient conscience que ça venait pas de l'ego ni de l'intellect, ils l'ont pas nécessairement écrit, là. C'est parce que si on se met à mettre bon, neuf, ça commence. Puis personnellement, moi, je suis pas certain, je suis pas sûr, donc ça a pas vraiment d'importance, là. Non, tu as raison. Ultimement, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est, entre autres, par rapport à la canalisation. J'aborde ce sujet-là plus tantôt parce que pour moi, c'est un élément particulier qu'on entend peu parler dans les médias de masse. Puis si on en entend parler sur Internet, ben c'est souvent la canalisation d'entités spirituelles, que ce soit des anges, des extraterrestres. Et moi, je veux plus l'amener sur le terrain de la canalisation de l'esprit ou de notre contrepartie ou un aspect de moi-même, de nous-mêmes à un autre niveau. Puis, Ben, c'est ça. ouais. Ben, ça parlait de. Les gens parlaient intuitivement avant ça. Même avant que ça soit vécu, on dirait que ça a été annoncé. Il y en a qui en parlaient. Mais l'intuition était là avant. Puis. Ben, c'est pour ça, j'essaie de. Pour... Je vois pas ça comme une ligne là, à partir de 69, là. Ben, il y a une cassure au niveau de l'instruction de Bernard. Tu l'écoutes parler, puis, tu regardes qu'est-ce qui se faisait avant, puis c'est pas la même vibration, là. Ah oui, mais peut-être c'est l'entrée dans le public ou je sais pas. Mais il y a tout le temps eu des gens là, qui ont vécu des phénomènes. Est-ce qu'ils savaient réellement? Bon, même là, même je considère pas qu'on sait réellement. On sait, mais je veux dire, est-ce que réellement, là, à partir de. Non, ben, c'est-à-dire, c'est pas en passant l'année 69 qu'on devient tous conscients, là, c'est plus que ça devient accessible. Mais encore Non, là, on c'est est. pour ça que je dis. Ouais. Mais à mes yeux, là, ça risque de devenir un élément. Si on fait une ligne de. Là, il va y avoir des gens, ils vont faire une ligne du temps. À partir de 69, ça descend sur Terre. Puis j'ai un peu de difficulté avec ça. Moi-même, j'avais dit ça. J'ai dit, bon, ben, à partir de 69, ça a commencé. J'en parlais dans des vidéos. Mais maintenant, plus je le regarde, ça, puis plus je me dis, ben là, on va créer des formes liées à une espèce d'anthologie. Puis on risque réellement là, de créer une sorte de linéarité là-dedans. On va dire, bon, ben ça a commencé en 69, puis après ça, telle affaire, puis telle. Non, je Puis. comprends, puis je suis d'accord avec toi là-dessus, parce que en réalité, le moment que ça commençait a peu d'importance. L'important, c'est d'être réel maintenant ou de commencer à être soi-même maintenant. Le début historique a peu d'importance. De toute façon, si on pense entre autres à la vie de Jésus, puis l'histoire, puis il est né à quelle date, puis en réalité, c'est peut-être pas l'an zéro, puis tout. On perd Au beaucoup de fond, on temps. s'en fout. C'est Pardon, exactement, c'est ça. exactement. C'est ça, c'est peu important. En fait, je vais recadrer ma question sur une fois parce que toi, tu parles, je voulais t'amener te parler depuis tantôt de ton cheminement qui t'a amené à réaliser que tu canalises, puis que, à quelque part, une fois qu'on réalise que ça existe, on peut canaliser, son esprit. C'est moi ce qui m'intéresse présentement, mon souci au niveau de ma question, c'est comment qu'on peut en tirer un avantage de ce contact-là avec l'occulte. Ben, je vois pas. Il y a certains avantages au sens où s'il n'y a plus de souffrance psychologique, puis on se pose plus de questions, puis on voit des choses, bon, ben déjà là, l'avantage, il est évident. Parce qu'on a l'esprit lourd, on a ben, là, au sens là, l'intellect, puis toutes ces choses-là. C'est moins lourd au quotidien, tout simplement. Mais même là, ce qu'on canalise, puis l'affaire, l'esprit, puis tout ça, il y a une certaine. Même dans le fond, là, je sais que ça passe par ça, puis ça se manifeste, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Moi, je suis pas certain de rien. J'en doute pas, mais j'ai pas de certitude non plus. Mais si on y va au niveau du senti, on peut percevoir par exemple qu'une vibration, qu'une énergie qui passe à un certain moment donné quand on parle plutôt qu'un autre. Oui, parce qu'on perçoit là, le. La réalité à travers notre perception, si on peut dire, là, c'est comme une couche qui sort d'interface avec ce qu'on pourrait appeler le réel, qui ne peut pas être vu dans son ensemble. Mais même là, c'est devenu tellement. En tout cas, des fois, même maintenant, j'entends des fois, bon, ben là, ça, c'est la vibration de l'esprit, puis là, il y a canalisation, puis au fond, c'est tellement quelque chose d'individuel que c'est des formes qui perdent leur sens à un moment donné. Tout ce que je sais, c'est que des fois, j'ai une sensibilité plus exacerbée que d'autres. On dirait que ça va aboutir dans des moments où j'en ai besoin, puis même que ça va être, des fois, là, c'est presque de la précognition. Je vais tomber dans un certain état pour quelque chose qui arrive après, parce qu'il y a possiblement une partie de l'intelligence qui est en dehors du temps et de l'espace, puis finalement, ça se manifeste comme ça. Mais l'affaire, là, de dire, bon, ben là, canaliser l'esprit, c'est quoi l'esprit? C'est des choses, quand on les définit, on dirait que ça perd de sa force dès que c'est défini. Ben, c'est-à-dire que si on le définit puis on s'attache aux formes qu'on utilise en termes de mots, oui, ça Même si dévite. on ne s'attache pas. Non, non, mais c'est parce qu'à un moment donné, si on communique, il faut utiliser des formes à travers le langage. C'est sûr que si on communiquerait strictement au niveau télépathique, on n'aurait pas besoin de ça. La communication qui est réellement importante, c'est le phénomène dont on parle, pas le fait nécessairement d'en parler. Donc, tant qu'il y a une communication, que je sens qu'il y a quelque chose qui se transfère d'une partie à l'autre, puis que, si on peut dire, ça aboutit dans l'ego, qui est comme un terminal de tout ça, ben, le fait d'avoir des formes pour communiquer avec autrui, ça a beaucoup moins d'importance à mes yeux que cette communication-là qui est individuelle. Si jamais le fait d'en parler, c'est lié justement à un besoin de partage au sens social, humain, grégaire, j'ai remarqué que ça peut atténuer le phénomène. Puis ça dépend aussi comment je le vois, ça dépend dans quel état je suis, mais comme là, peut-être que c'est plus d'aller. Disons que j'ai une vision moins formelle en ce moment, mais je vois pas. C'est comme le fait, c'est comme ce qui a été dit, on ne peut pas être intelligent tout seul, mais on n'est jamais tout seul parce qu'il y a des contreparties. Puis c'est entre ces parties-là que ça communique. Donc, est-ce que développer un langage pour en parler, puis en faire une forme de socialisation, une forme de grégarité, est-ce que ça atténue pas un peu le phénomène? Des fois, oui. J'ai l'impression que oui, puis on dirait aussi que ça devient quelque chose de plus. On perd le subtil de ça, là. Puis c'est le fait d'être obligé, ça prend des formes pour le communiquer entre individus, mais pour que ça communique à travers l'individu, on n'a pas besoin de ça. Ouais, parce qu'après tout, c'est une vibration. Mais c'est sûr qu'à quelque part, d'utiliser des formes dans l'optique, par exemple, de le vulgariser à un public de masse risque de niveler toute cette communication-là vers le bas. Est-ce que c'est pour la masse? Est-ce que si ça doit arriver à quelqu'un, si ça fait partie de son expérience, est-ce que ça va nécessairement passer par. C'est là que ça devient. Je suis pas certain. Peut-être qu'on donne beaucoup d'importance alors que c'est plus subtil que ça. Parce que là, l'affaire, là, vouloir le vulgariser pour la masse, c'est correct, là, mais il reste que. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y a certains phénomènes, même si tu les vulgarises puis tu essaies de les communiquer, c'est tout le temps une minorité qui va capter, qui va voir ce que tu veux dire. Puis la Oui. masse, là, si c'est la vibration qui est importante, c'est même quelqu'un qui parle de n'importe quoi, il va émettre une vibration, que ça, il y a quelque chose derrière, et puis ça peut passer par n'importe quel vocabulaire. Non, Ça exact. devient. Ouais, exactement. Mais de toute façon, comme le dit le célèbre adage, tout est reçu selon la forme du récipient et le semblable n'est connu que par le semblable. Ce qui veut dire que si la personne ne vit pas de contact avec l'esprit ou elle ne canalise pas, on pourrait faire un beau discours pendant 2 heures de temps sur c'est quoi de la canalisation, mais ça ne fera pas écho à un vécu, à une expérience qu'elle a, à quelque chose qu'elle porte en elle déjà, donc ça ne fera pas sens pour elle. Ben, l'affaire, là, de faire sens, les adages, ces choses-là, ben là, peut-être que c'est dû là, à mon état vibratoire en ce moment, mais Il reste qu'il y a quelque chose là-dedans qui est. Je termine pas ma phrase parce que ce que je voyais, là, je le perds, mais on risque d'avoir des illusions beaucoup par rapport à tout ça. Jusqu'à un certain point, c'est intéressant de le parler autrement des fois, de le parler d'une façon des fois, mais d'autres fois, il y a quelque chose aussi là-dedans que. Je vois des illusions là-dedans. Oui, il peut y avoir des illusions spirituelles, par exemple, associées au désir de l'ego de partager une expérience à des gens qui ne la vivent pas. Tu sais, quelqu'un qui a le désir, puis l'illusion qu'à travers la communication, il va être capable de permettre à quelqu'un de saisir quelque chose alors que c'est une nature vibratoire, c'est une illusion. Un phénomène que j'ai vu, que j'ai expérimenté, c'est quand même un individu qui le vit, qui va entrer en contact avec des individus qui sont peut-être plus attachés à la forme, le phénomène peut s'atténuer momentanément. D'être attaché à la forme? Non, d'être en contact avec des gens qui Oui. sont plus attachés à la forme, et puis le phénomène va s'atténuer parce qu'il y a eu Ah, une de la surimpos. canalisation. Ah, Oui, ben oui, parce que les c'est autres vont faire comme. interférence au mouvement énergétique. Parce que ça m'est arrivé de discuter de certaines choses avec des gens, j'ai été complètement coupé. Ben oui, Il y parce que avait l'énergie plus. astrale des gens va bloquer la vibration, va faire interférence. Des fois, c'est pour d'autres. C'est un autre phénomène. Des fois, c'est arrivé. Il y a quelqu'un qui me disait, on a tous la même source. Puis j'essayais de le regarder intérieurement. Est-ce qu'on a tous la même source? Quoi ça? Puis de même de regarder la vibration. Et je voyais absolument rien. Et puis, j'étais même pas capable de retourner dans l'intellect. J'étais totalement vide. Comme si j'étais censuré d'un coup, mais j'arrivais même plus à réfléchir. Et puis, ça a pris quelques jours. Puis, finalement, c'est quelqu'un d'autre qui a débloqué ça. Oui, mais des fois, les forces vont s'organiser pour créer des situations pour pas que le mensonge cosmique soit trop rapidement levé par rapport à certaines personnes qui n'auraient pas la capacité de contenir directement leurs vibrations. Même là, je suis pas. J'ai aucune certitude. Ah, ben, C'est je dis possible. ça, Possiblement, j'en doute pas, mais même là, tu sais, tout ce ça que je serait dis, donner en un fait. sens à l'événement. Ouais, c'est ça, mais par rapport à tout ce que je peux affirmer, ce que je dis aux gens, croyez-moi pas, là. J'ai pas l'intention de partir une secte ou quoi que ce soit. Pourquoi? Mais non, là, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ce que. C'est pas ça, là. C'est juste que. Pourquoi le phénomène s'est produit de cette façon-là, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est ce que je l'ai vécu. C'est tout. Mais si j'essaie d'avoir pourquoi comment ça s'est produit comme ça, puis comment, puis d'essayer de donner un sens à ça, j'en aurai pas. À un moment donné, je vais peut-être le voir. Mais si je veux donner un sens à ça, puis le mensonge cosmique, puis les forces sont. Il y a un certain point, tout ça, là, c'est. Ouais. Je vois plus le. C'est même, je trouve que ça m'abaisse sans vibration, je me sens moins. Je vois des choses, puis tout d'un coup, si je me mets à essayer comme ça, de le voir comme ça, du bord des forces, puis ça me coupe, ça aussi. Puis, il y en a, ils vont dire, bon, ben c'est parce qu'on vit de la censure. Mais j'ai pas de certitude sur ça, c'est possiblement aussi un phénomène, si on peut dire, des fois mécanique, c'est-à-dire que. Il y a un rapport de force qui fait que ça coupe là parce que ça a ouvert là, puis l'énergie passe pas, je sais pas. Il y a quelque chose des fois de mécanique, de structurel là-dedans. Ça, c'est par intuition que je dis ça. Mais même comme l'affaire, le mensonge cosmique en tant que forme, c'est si on peut dire, c'est peut-être si. Si on peut, quelqu'un là, qui serait un arriéré mental n'a pas accès à certains concepts. Si on regarde au niveau de l'intellect, n'a pas accès à certains concepts parce qu'il en a l'incapacité. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mensonge? Cette censure-là, au fond, c'est tout simplement parce que ça passe pas, ça se rend pas. Puis il y a probablement des phénomènes qui font que des fois, c'est. Puis même là, le mensonge cosmique aussi. Intéressant comme concept, mais il y a des fois, il faudrait pas le voir. Je sais pas, Non, mais au fond, c'est... je suis d'accord qu'il ne faut pas l'appliquer à toutes les sauces, là, le mensonge cosmique. Mais dans certains cas, il peut y avoir une désinformation voulue par les forces dans l'optique d'empêcher quelqu'un d'être exposé d'une manière prématurée à certaines informations. Il existe de la volonté en dehors des égos? Ben, c'est une bonne question à poser, mais pour moi, oui, parce qu'après tout, tu sais, la vibration que je capte va m'orienter dans un sens plutôt qu'un autre. Mais ce ne sera pas une Oui. volonté égoïque par rapport à un jeu qui se réfléchit. Est-ce que c'est pas lié aussi au fait que l'énergie va selon son appointement, puis qu'il y a des jeux comme ça, puis qu'au fond, on anthropomorphise les phénomènes qui sont en dehors de l'ego, puis là, on va prêter aux forces des volontés, des désirs, des choses qui sont au fond des projections, alors que si on fait un dévoilement de la forme, puis qu'on s'applique à le faire souvent, on se rend compte qu'il y a juste de l'énergie, qu'il y a juste de la vibration. Puis que on finit par, c'est comme si on prend là, un concept qui était vraiment, les gens en parlent beaucoup encore, puis ça retrouve une certaine popularité, là, l'astral. Ouais. L'astral, il n'est pas le plan. Le plan, l'astral n'est pas créé par l'être humain, c'est quelque chose qui a engendré l'astral. Mais ce qu'il y a dans l'astral, est-ce que c'est pas l'être humain qui a créé ça inconsciemment par sa mémoire expérimentale planétaire qui s'enregistre? Puis c'est comme si l'être humain est un créateur endormi. Est-ce que c'est pas lui, au fond, qui est le créateur inconscient de ce qu'on pourrait appeler l'astral, qui, au fond, qui pourrait revenir à ce que les psychanalystes intellectuellement, au niveau de leur intuition, appellent l'inconscient, justement, puis que toutes ces formes-là, au fond, si on fait un dévoilement de la forme, puis on regarde derrière, il n'y a rien. Non, en effet, c'est des résidus morts d'une créativité passée. Ben, c'est sûr, c'est de l'expérimental, mémoriel, émotif, de toutes sortes d'affaires enregistrées. Ouais. Donc, c'est du passé, puis c'est enregistré, c'est comme, puis ça vient interférer dans le présent parce que ça passe son temps à... Ça passe son, ça veut se, ça se réactualise par nature, c'est de la mémoire. Puis l'expérimental, l'être humain continue à vivre de l'expérience, puis pour se repérer dans sa linéarité, puis il est obligé d'avoir d'être. Puis est-ce qu'il n'y a pas des sympathies fréquentielles d'une expérience à d'autres qui font qu'il y a des connexions, puis qu'il y a des liens qui se font? Mais au fond, si je suis ça, si on peut dire pas que j'ai une certitude, mais à mes yeux, le plan. L'astral, c'est pas l'être humain qui a créé ça, qui a engendré ça, mais ce qu'il y a dedans, toutes les formes qu'il y a dedans, toutes les, même si c'est lié à justement peut-être à cette espèce de façon qu'il a d'anthropomorphiser les choses, est-ce que c'est pas l'être humain en tant que créateur endormi qui se pense une créature, puis qui au fond c'est un créateur endormi qui a engendré ça? Ça, je suis persuadé que toutes ces choses-là, toutes ces formes-là, toutes ces mémoires-là, au fond, sans l'expérimental planétaire humain, ça ne peut pas s'enregistrer. Donc, jusqu'à un certain point, l'être humain n'a pas créé l'astral, mais ce qu'il y a dedans, oui. Ça, Oui, puis ben ça même fait là. penser à l'affirmation, entre autres, qu'avait faite André Moreau, qui est le philosophe québécois, le jovialiste, qui disait que l'inconscient n'est en réalité que le résultat de la conscience qui feint, qui se ment à elle-même, là. Mais juste ça, d'aller vers des référents, on a un besoin tout le temps de se référer à, dans le présent à du passé ou à de l'information enregistrée ou à de l'extérieur, alors que, au fond, là, vraiment, là, pour, quand que la vibration est très très haute, ben, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de réflexion, il y a juste la présence. Puis, est-ce que toutes ces choses-là, ce que justement on a appelé là, les artifices de l'astral, c'est pas ça justement qui, au fond, on se les choses, puis j'ai l'impression justement c'est inconscient. Puis c'est là juste, puis là c'est peut-être d'aller un peu plus loin, puis l'affaire tout le temps de dire bon ben au-delà de la forme, au-delà de la forme, il y a juste de la vibration, il y a juste de l'énergie. Mais est-ce que Justement, ce qui vient, ce n'est pas des gens qui n'auront pas besoin d'aucun référent passé, aucun référent extérieur. Ils vont tout simplement voir quelque chose. Oui, bien, c'est Mais. sûr qu'on se dirige vers ça, c'est-à-dire sans le support du mémorial passé, des archives anciennes, autrement dit de l'astral. Ben, c'est ça. Puis que dans le fond, le fait plus un, ça fait deux, que ça, c'est pas lié à nécessairement de la mémoire, c'est pas lié à, c'est tout simplement lié à quelque chose que n'importe quelle civilisation sur n'importe quelle planète dans n'importe quelle époque aurait développé ça. Ça, c'est au-delà de. Ça, c'est peut-être, c'est au fond tout ce qui est le rapport logique, là, le rapport de ce qui est vu, de ce qui est compris, de ce qui est intégré, puis ce qui devient une science. Une science, c'est ça qui, au fond, devrait être pas un référent passé qui s'actualise dans le présent, mais un présent qui se réactualise tout le temps. C'est au-delà de toutes ces choses-là. Puis, c'est pour ça que, à un moment donné, je voulais pas, je l'avais dit, j'ai dit, j'ai pas envie de parler d'entité. J'ai pas envie de parler de l'astral. Puis j'arrivais à. Je dis là, il faudrait peut-être essayer de voir du nouveau. Puis même là, le nouveau, à mesure, est enregistré, il redevient. Mais de Il tout le temps, dans devient la. l'ancien, c'est-à-dire que toute pensée émise est enregistrée et peut être récupérée par l'astral pour en guillemets Ben oui. l'astral. Ouais. Mais qu'un plus un, ça fait deux, ça, c'est ni de l'ancien, ni du présent, ni du futur, là. C'est quelque chose d'autre. Puis c'est à mes yeux, c'est peut-être ces choses-là qu'on pourrait appeler tout ce qui est lié aux lois, à des lois Ouais, ben universelles. dans le fond, C'est plus important que tout le reste. oui, c'est sûr que si on touche à des lois intemporelles, qui sont pas un lien, un effet de mode, un contexte socioculturel particulier, ça serait pas passé date après un certain temps, ben on Ben même commence. là, ça n'a même pas besoin d'être un effet de mode ou un contexte particulier, parce que il y a déjà sur Terre des cultures qui se connaissent même pas, puis sont parasitées par des délais semblables. Comme si ce qui s'enregistre dans ce qu'on appelle l'astral, c'est quelque chose, c'est un peu comme une sorte de deep web plein de poubelles, là. Puis que, au fond, même pas besoin de se référer un schizophrène à Montréal-Nord peut entrer en psychose puis voir naître dans son esprit des délires qui sont liés à de l'expérience passée enregistrée par d'autres. Puis il n'y a pas besoin de se référer à rien, il n'y a pas besoin de. Puis ça va se Non, manifester non, quand même. tu as raison, il va être sur le pilote automatique, puis il va canaliser l'inconscient collectif. Ouais. C'est ça. Ben, même la conscience collective, c'est de l'inconscient. Oui. Dès que c'est collectif. C'est quoi l'évolution au fond? C'est pas un être qui est dans l'être humain évolutif, ce qui a été appelé l'être humain évolutif. Est-ce que c'est pas justement un être qui, au lieu d'être fusionné avec ses contreparties, est fusionné avec des lois grégaires, sociales, animales, mémorielles, puis ainsi de suite? Puis au fond, il est fusionné, mais avec quelque chose de qui est pas lui, qui vient pas de lui. Ouais, ben c'est ça, c'est que l'individu, pour fusionner à l'esprit, doit défusionner au collectif pour s'individuer. Puis après, quand même, pour en être détaché puis venir à bout de travailler avec, parce que il n'y a pas de créativité. Pour pas tomber dans les pièges de certains gens, entre guillemets, du génie, qui voyaient des choses, qui apportaient du nouveau, mais qui étaient toujours coupés de la société, qui étaient des gens asociaux, puis qui avaient des comportements aberrants en société, pour justement essayer de préserver ce qu'on pourrait appeler là, la manifestation de leur génie, parce que ça finit quand on se ramasse avec, justement, ces gens-là, ces grandes figures-là vont s'enregistrer, puis ça finit que, là, on va dire, oh, le génie côtoie la folie. Puis il y a quelque chose là-dedans qui n'a pas d'allure. Est-ce qu'il faut à tout prix être fou pour amener du nouveau? Est-ce qu'il n'y a pas là une illusion? Ouais, ben quoi que, en même temps, c'est intéressant la question que tu poses parce que après tout, qu'est-ce que la normalité? Dans le sens que la minute que la personne sort du troupeau, ben est vue comme étant anormale, donc folle. Mais c'est le fait Ben qu'elle est oui, mais. différente. Ça veut pas dire nécessairement qu'elle a un problème de santé mentale automatiquement. Mais ça va être quoi l'homme nouveau sinon un parasite intelligent et créatif? C'est-à-dire que il va être nouveau tout en étant inaperçu. Mais je Il dirais pas va être dans la parasite. société. Je dirais Ben, pas c'est une nécessairement, façon de c'est un. parler. Ouais. Pas polariser ça dans le négatif, le terme parasite. C'est tout simplement que si on prend le collectif comme un organisme, Oui. lui, il va être capable de vivre dedans tout en restant un individu. Ouais, C'est parce dans qu'il ce sera pas sens-là, là. englobé par l'organisme, là, un peu comme je sais pas si tu écoutes la télésérie Star Trek, là, il est question des Borg. Les Borg, c'est une conscience collective qui va englober des individus, des vaisseaux de différents peuples, et ainsi de suite, pour les amalgamer à leur intelligence. Comment? Des consommateurs. Oui, c'est des consommateurs, mais c'est une intelligence qui se raffine en englobant l'intelligence des autres pour tout le temps augmenter, C'est ça. mais qui sont pas créatifs. Ils créent rien de nouveau. Eux autres, ce qu'ils font, c'est C'est que. ça. Ouais. C'est des consommateurs. Oui. C'est pas créatif. Mais j'ai jamais été un fan de ça, là, Star Trek. Mais voyez, à mes yeux, c'est un consommateur. Du consumérisme, ce que tu décris là, c'est total. Mais Exactement. c'est comme si je parle un parasite très intelligent. C'est pas au sens où il va vampiriser les autres formes de vie autour de lui, mais au sens où il va être parfaitement adapté au collectif, à son habitat, tout en conservant son individualité. Puis il va être capable de se préserver dans son individualité sans entrer en conflit avec le collectif, avec les autres individus, parce que ce que tu décris, c'est comme une forme de vampirisme, c'est du consumérisme total. C'est un peu comme des pilleurs, là, si on peut dire, là, Oui, ben en des fait, barbares qui arrivent, puis ils volent toutes les richesses, ils ramassent les femmes pour se reproduire avec elle, puis ils volent tout ce qu'il y a de. Bon, ça ressemble à ça, mais à un niveau. Ben là, comme ça, Star Trek, là, ça doit être technologique. Ouais, ce sont des êtres Encore. technologiques. Ils sont comme tous reliés à un ordinateur central en réseau, un peu comme des fourmis à partir d'une Oui. conscience collective. Mais c'est sûr que Ben, c'est de la c'est un peu. science-fiction, mais en même temps, je trouve que ça représente la réalité du plan astral qui cherche à englober tout. Puis, tu sais, tout ce qui est émis par l'esprit peut être retenu contre lui dans la science, là. Il cherche vraiment, il y a vraiment une volonté, je veux dire. Ça, c'est des choses, là, plus je les regarde, là, si le tout pour le tout va être joué, est-ce que c'est vraiment lié à une volonté comme on le voit là, en tant qu'ego? Ou est-ce que c'est pas parce que tout simplement on a enregistré des poubelles tellement perfectionnées que ça on enregistrait inconsciemment des choses qui vont s'activer, des programmes qui vont travailler contre nous? Mais qu'au fond, ça n'a pas de. C'est pas pour rien, il dit qu'il n'y a aucune lumière dans ce monde-là. Donc, comment il. Si je vois plus c'est un peu comme quelqu'un qui a des machines qui vont se retourner contre lui en développant une sorte de conscience artificielle qui n'est pas de la conscience, une forme d'intelligence artificielle qui est juste de la programmation, puis que ça va chercher à englober l'être humain tout simplement parce que. Ça a été créé par l'être humain, puis c'est fait à son image. Ouais, exactement. Ben, ça me fait penser un peu au scénario du film de Terminator. Où Ah, les. ça, je l'ai vu. Ouais, bon, ben. Ben, pas, je me souviens du premier, mais le deuxième, je m'en souviens. Fait que c'est sûr Le que la premier. machine cherche à quelque part à prendre le contrôle sur l'être humain qui l'a créé. Donc la créature qui veut devenir le créateur à quelque part d'une nouvelle Ben, civilisation. c'est écrit Dieu a créé l'homme à son image. Est-ce que c'est pas l'homme qui a créé Dieu à son image? Puis là, il est pris avec, là. Ouais, c'est sûr que Dieu comme représentation, si l'être humain se soumet à l'image qui s'est faite de Dieu, bon, au lieu de se servir de l'image, ben il est au service d'eux. Donc, à ce Oh, moment-là, je vois ça plus subtilement que ça. vas-y. Parce que, ben, c'est comme je disais, c'est tout simplement parce que. L'être humain va engendrer quelque chose inconsciemment, puis cette chose-là n'aura pas le choix d'être un modèle de ce qu'il est, d'une forme qui lui ressemble, puis qui est inconsciente aussi. C'est dans ce sens-là, je dis, il n'y a aucune, quand je dis, il n'y a aucune lumière dans ces mondes-là, bon, ça revient à ça. Il n'y a pas de conscience. S'il n'y a pas de conscience réelle dans l'astral, comment est-ce qu'on peut considérer qu'ils vont réellement chercher par eux-mêmes à faire quelque chose alors que je vois ça comme du simulacre, de l'artifice? Ça ne veut pas dire que ça n'a pas un effet, que c'est pas. Mais il reste que. C'est juste de l'information enregistrée, de l'énergie qui est pas. C'est de pas projeter. De pas. C'est peu de choses à mes yeux, là. Ça vient que. C'est vraiment peu de choses. Plus on lui donne l'importance, plus on le nourrit, plus c'est fort. Mais au Oui. fond, il y a rien. Je vois rien de réel là-dedans, même si l'effet, lui, il va affecter. Puis bon. Mais non. Puis même là, bon, c'est des choses d'habitude, je ne vais pas en parler de cette façon-là. Mais est-ce que ça se pourrait que Bernard, parce qu'il s'adressait à un public, puis qu'il s'ajustait au monde, puis qu'il fallait qu'il sorte d'un vocabulaire, puis de lien de la communication, que il y a certaines choses par rapport là, à ce qui est derrière les formes, puis à la nature réelle de tout ça, que ça, c'était dans des conférences plus en privé avec moins de monde qui osait parler. J'imagine qu'il y avait une adaptation, un ajustement. Parce que l'astral, oui, il faut qu'il y ait une opposition, faut se rendre compte de certaines choses. Ouais, au début, peut-être. Mais quelque part, à un moment donné, ça perd de sa force. Puis quand on regarde, c'est comme c'est un jeu d'ombre. Il y a quelque chose qui vient de nous là-dedans. Puis à mes yeux, c'est tout ce qu'il y a dans l'astral, ce qu'on appelle là, même les morts. Les morts. C'est tellement vide, c'est tellement. C'est tellement. C'est du sommeil, c'est de l'information qui sommeille. J'ai bien de la difficulté. Le monde, ils sont prêts avec des. Tu sais, ils sont parasités par des gens qu'ils ont. C'est eux qui nourrissent ça, mais il n'y a rien. C'est eux qui Ben, créent ça. c'est-à-dire que je pars du principe que l'âme survit à l'incarnation terrestre. Oh, l'énergie de l'homme. Oui. Par contre, si l'âme n'est pas fusionnée par l'esprit, avec l'esprit, elle n'est pas capable de se renouveler créativement, donc elle va vivre de mémoire, puis elle va essayer d'interférer avec des gens en leur implantant leur psyché des mémoires Elle pour va essayer, vraiment, il y a quelque chose qui veut, puis qui essaie, puis est-ce que c'est pas parce que ce qui nourrit ça est elle-même quelque chose qui veut, puis qui essaie. Ça peut aller aussi dans les deux sens. Je mets ça aussi comme hypothèse, là. À mes yeux, ça va dans un sens, puis ça revient. C'est sûr que l'individu participe à ça aussi. Je suis d'accord, mais pour moi, il y a quelque part, il y a des êtres qui sont en suspension d'incarnation. Ils n'ont pas de corps physique. Puis comme ils ne sont pas capables de se renouveler, ben ils cherchent à vivre par procuration à travers des êtres vivants. Est-ce que c'est pas parce que, justement, au niveau du contact de l'être humain avec certaines énergies, il ne va pas engendrer des formes prédéfinies inconsciemment, puis qui vont agir d'une façon parce que lui, son éducation, et puis la mémoire, puis ce qui est des influences liées à des traditions, ça va agir conformément à ce qu'il s'attend. Si j'ai envie de dire à ce que Satan, parce que quelque part, là, tu Oui. sais, moi j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi il y a des endroits, bon, il est supposé avoir certains types de phénomènes, puis dès qu'on amène quelqu'un qui n'a pas la même culture, qui n'a pas le phénomène et se manifeste pas. Puis pourquoi est-ce que l'énergie va s'adapter à l'inconscient du monde tout le temps, puis engendrer des phénomènes qui ont l'air incompréhensibles? J'aimerais bien ça qu'on m'explique comment ça se fait que des universitaires peuvent se réunir, créer un personnage, créer de toutes pièces, ils inventent une histoire, puis après ils vont s'arranger pour qu'il se manifeste dans des ce qu'on pourrait appeler là, du spiritisme scientifique, juste pour vérifier là, les Oui, phénomènes. ben le cas de cet égrégore-là qui avait Parce été créé, moi aussi j'ai entendu parler de cette expérience-là, puis il y avait des vrais que phénomènes, alors que c'était créé de toutes pièces. l'étude est disponible, puis ça s'est manifesté comme il l'avait créé, un Anglais du 16e siècle, puis il aimait ça, entendre des chansons à boire, puis ça donnait des coups, là, rythmés avec la musique, puis ils ont eu bien du fun. Comment ça se fait qu'en Haïti, là, admettons, là, qu'un tel, il travaille avec telle loi, puis ça va se manifester de telle façon? Si on crée une tradition, ou ce que je le sais pas, moi, c'est Mickey Mouse, l'entité, puis qu'on met de l'énergie là-dedans. Pourquoi est-ce qu'à Mickey Mouse, il se manifesterait pas, puis il va agir comme Mickey Mouse? Parce qu'au fond, moi, ouais, j'ai l'impression qu'il y a bien des illusions. L'être humain travaille avec des énergies qui sont au-delà de la forme, puis inconsciemment, ça va prendre des formes qui vont s'adapter à ses attentes. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, là, les entités, c'est arrivé souvent que d'essayer de qu'on touche à des notions comme ça, mais on dirait que le monde, les gens, ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça. Ils veulent voir des entités, ils veulent voir ils veulent avoir été en contact avec c'est comme ma grand-mère qui, elle, avait des dialogues avec des entités, puis c'était allé jusqu'à répondre par des coups des murs. Est-ce que ça se peut que ma grand-mère avait une capacité télékinétique Kinésique. inconsciente, puis ça se manifestait comme ça, mais qu'au fond, ça venait d'elle? Oui, bien, il y a le phénomène de projection. Puis c'est sûr que si on part, entre autres, du postulat de la physique quantique, à l'effet que le simple fait d'observer quelque chose, on agit dessus, puis que quelque part, on est tous interreliés, ben c'est sûr qu'à ce niveau-là, la personne participe au phénomène qu'elle vit, puis. Elle n'est pas juste limitée à l'intérieur de son corps biologique, mais elle peut interférer avec son environnement. D'où, à ce moment-là, que ça devient pertinent d'envisager la possibilité, au lieu de se créer des monstres puis des esprits poltergeist, qui vont frapper des murs, pourquoi pas créer des belles choses, puis utiliser ce pouvoir-là de projection, un peu comme peut le faire, par C'est exemple. le haut astral, les belles choses. Oui, dans un sens. C'est Mais je veux et dire, dans un utiliser ça à son sens. avantage, un peu comme André Moreau qui propose à travers la bénédiction. Donc bénir pour avoir Ah qu'est-ce qu'on ouais. veut. C'est efficace? C'est une bonne Je veux dire, question. est-ce que ça n'a pas ses limites? Est-ce que tout ne se paye pas? C'est-à-dire que l'énergie, elle ne disparaît pas ou elle se transfère, puis c'est une forme de. De. C'est drôle, moi, moi, le monde là, qui font ça, là, Oui. ça n'a pas l'air de marcher à long terme. Comme Bernard Simon Nagy, là, qui faisait des cérémonies chez eux, puis il avait des bénédictions de même, là, puis quand il voulait un char, là, il mettait l'image du char à terre, puis il prenait son épée, puis il a eu son char, mais il a fini. Regardez la fin de ces gens-là, comment ils finissent? Est-ce qu'à un moment donné, l'énergie disponible pour un individu, est-ce qu'elle est réellement bien utilisée le temps dans sa vie que oui, il va avoir du beau, il va avoir le positif, puis là, la t'ordonne à l'univers t'ordonne, puis oh, il y a de l'argent, mais on dirait que ça marche pas. L'être humain n'a pas la maîtrise de ces forces-là encore. On joue Mais, avec ouais, mais en des même choses. temps, tu sais, à défaut de se coder inconsciemment, pourquoi pas se coder consciemment? Si l'être Ben humain, oui. un peu comme Mickey Mouse, tu parlais, ben, si on peut constituer Mickey Mouse, on est une entité, entre guillemets, d'un égrégore collectif qu'un groupe d'individus perçoit, pourquoi pas constituer des choses qui vont nous avantager dans notre vie? L'affaire, là, c'est de on ne peut constituer rien à part soi-même. D'être son propre programmateur, est-ce que c'est pas ça l'homme nouveau? Est-ce que c'est pas qui va être son propre programmateur, qui va se constituer Programmeur, lui-même, ouais. qui va être. Puis qui. Ben disons, là. En tout cas, peu importe les termes, mais qui va être. Il va pas mettre ses énergies dans des formes à l'extérieur de lui, d'une façon qui est pas consciente. Puis que ça va pas. C'est pour ça que c'est là que. fait chier un peu, moi, là. C'est pas Non, drôle ce mais. que je parle. Puis bon, mais s'il y en a que Non, là, non, je mais je trouve parle de ça ça avec eux je autres, trouve. puis ils aiment pas ça, Non, ils non, aiment mais pas ça. moi, écoute, Bertold, je trouve ça intéressant de discuter avec toi. Puis c'est sûr que si tu peux amener des confrontations créatives, je vais les prendre en considération. Ben, c'est même pas des confrontations. C'est juste que si on le regarde ça comme ça, Oui. pour émotivement, pour le regarder comme il faut, puis que finalement, toutes les formes, même ce qui est dans ce milieu-là, le supramental, que même ça, à un moment donné, on se rend compte que qu'est-ce qu'il y a-tu quelque chose vraiment en arrière? Est-ce que c'est réellement réel? Puis jusqu'où ça va? Puis aussi de ne pas avoir peur, dans le sens que, bon, ben, d'un coup, que il n'y a rien d'autre que de l'énergie, puis que toutes ces choses-là, que ce soit les entités, l'astral, les mémoires qui se réincarnent, que toutes ces choses-là, au fond, est-ce que l'être humain, il est pas tellement plus que ce qu'il pense être, que toutes ces choses-là, c'est des formes qui gèrent l'énergie à sa place. Parce qu'il n'est pas puis avec lesquels il rentre en relation justement pour travailler avec l'énergie. Parce que l'être humain, il voit pas encore certaines affaires, il n'a pas encore fait éclater certaines formes au point de travailler avec l'énergie pour ce qu'elle est, puis que ça y prend des formes intermédiaires, ça y prend des outils, Oui, ça y prend des. je comprends tout ce que tu veux dire. C'est que ces formes-là peuvent le servir à se sécuriser sur le plan psychologique parce qu'il n'est pas capable d'assumer sa pleine grandeur sur le plan psychique. Fait qu'à ce Oui. moment, ouais, ça revient au Ben oui. principe qu'au lieu d'assumer la totalité de son esprit, il va projeter son esprit sur l'horizon du monde ou Dieu ou les entités ou l'astral ou les anges comme support. Au lieu de se réapproprier son énergie psychique, au lieu de la projeter à l'extérieur de lui-même par manque de centration. Ben, au lieu de la. C'est Ouais, comme puis même là, ouais. peut-être qu'à l'intérieur puis l'extérieur, c'est pas séparé comme on le voudrait, comme on le pense. Puis même là, c'est là que ça, on tombe dans une partie de ça, que si c'est regardé, parce que là, je parle pas de canalisation, je parle de regarder quelque chose que même l'ego a beaucoup de difficultés. C'est tellement en dehors. C'est tellement qu'en dehors de nos mécanismes, nos automatismes, c'est tellement quelque chose d'inhumain dans le fond. Puis que c'est là parce que tu parlais, on parlait la peur. Puis est-ce que ça, c'est pas l'ultime peur? Est-ce que c'est qu'au fond, dans le fond, il y a bien des choses que. C'est intéressant, oui, c'est intéressant. Est-ce que c'est effectif si on travaille avec? Oui, il y a un effet. Mais que dans le fond, tout ça, si vraiment on creuse derrière, on voit, il n'y a rien d'autre que. Peut-être que les physiciens quantiques sont peut-être plus proches de ça que même les gens qui sont dans. Puis qu'au fond, c'est important parce qu'on lui donne de l'importance. Puis l'affaire, bon, immortaliser la conscience. Est-ce que la conscience, c'est pas quelque chose de déjà universel, de déjà immortel, mais que l'être humain, tout simplement, une individualisation de ça, puis qu'il y a chez lui encore l'animalité d'un instinct de préservation qui projette là-dessus, puis que c'est de là que venait justement la peur de la mort, la peur de. Puis là, ça a créé des mondes. Puis parce que l'être humain est tellement puissant, il est tellement grand, il est tellement fort qu'il pourrait pas se voir lui-même sans être terrorisé parce qu'il est encore puéril dans son développement. Il est encore un peu comme si on était encore comme si on entrait tranquillement dans l'adolescence de l'humanité, mais qu'on n'est pas encore. Parce que c'est bien intéressant, là, les affaires. Les parasites entitaires, bon, des entités parasites, ces choses. C'est intéressant si on veut étudier certains aspects occultes de la maladie mentale, par exemple, ou des délires de certaines personnes. Bon, c'est très intéressant, mais une fois qu'on a regardé ça comme il faut, puis bon, on est un peu. Est-ce que là, c'est quoi, dans le fond, en arrière de ce qu'il y a en arrière encore? Puis, il y a quelque chose d'une protection, de possiblement un réel global, un tout, comme Pan, le dieu du tout, là, le panthéisme, Pan. Ça aboutirait à de la panique si c'est dans un ego normal? Ben c'est ça, si l'ego n'est pas capable d'assumer sa totalité, c'est comme, dans le fond, le lion qui pense qu'il est un mouton parce qu'il ne serait pas capable d'assumer le fait qu'il est un lion, tu sais. Ben, même là, c'est une métaphore, ça me coupe un peu de ce que je regardais. Mais le lion, il pense qu'il pense déjà là. C'est comme on parlait de la liberté la dernière fois. Oui. Est-ce qu'il y a un oxymore plus terrible que libre penseur? En Comment est-ce effet. qu'on peut. Tu sais, libre penseur, c'est comme des termes comme liberté. Ce que je vois là-dedans, c'est surtout une forme qui sert à faire que le lion, il pense qu'il pense. Puis, dans le fond, c'est même pas un lion. C'est même pas un mouton. C'est juste de l'énergie qui se manifeste à l'infini. Puis, au niveau d'une manifestation spécifique, il peut pas contenir le tout qui l'a engendré. C'est justement, ça fait partie des lois qui fait qu'il va avoir des individus, mais rendu à un certain point d'individuation, quelqu'un qui est allé, qui est vraiment, là, qui est, il y a un moment donné, quand j'étais, quand j'avais ma maison, puis là, j'étais tout seul, puis j'étais vraiment en pas de bonne humeur. J'étais vraiment, puis j'avais plus peur de rien. Puis au point, je parle au niveau des phénomènes psychiques, puis de l'occulte. J'étais dans une phase d'espèce de colère, qui est pas émotive, là, mais une sorte de. J'ai plus peur de rien. Puis là, j'étais couché parce que j'ai plus rien à faire, puis j'ai rien à faire. Puis comme les idées noires prennent plus, puis la dépression prend plus, puis l'émotivité prend plus, je suis là, dans ma chambre. Puis je sais pas quoi faire, puis à un moment donné, je dis, bon, ben. On va provoquer le diable. Puis là, j'ai un meuble dans le fond de la chambre, puis qu'il y a une porte ouverte, puis on voit juste du noir. Je voyais juste du noir d'où j'étais dedans. Puis là, je provoque le diable. J'ai même pas peur de toi. Viens-t'en. Tiens, moi, viens-t'en si tu existes. Moi, je crée pas à rien. Je n'ai pas peur de toi, puis tu m'énerves pas. Puis j'ai fait ça pendant des heures de temps. Faut-tu être rendu? Puis à un moment donné, j'ai eu un coup de vent. Il s'est passé quelque chose, j'ai eu un coup de vent, puis là, c'est comme toute cette espèce de haine-là était partie, toute cette espèce de colère-là était. Puis je me disais, c'est ça. J'ai pas compris quelque chose intellectuellement, mais il y avait une forme enregistrée inconsciemment en moi que j'ai pété. Puis ça s'est traduit, je pourrais pas expliquer là, pourquoi ça a fait ça. Mais c'est une absence de. À un moment donné, c'est ça, c'est de confronter même. Ben dans le fond, parce que souvent, comme les gens comme toi puis moi qui ont grandi au Québec dans un contexte judéo-chrétien, la forme du diable est une forme épeurante, entre guillemets. Fait que pour toi, de C'était faire pas ça, important dans ma famille. bon, en tout cas, C'était culturellement chez nous, on s'en foutait du gars. non, non, c'est Puis ça, du bon Dieu mais. aussi. Mais ma mère qui était Ouais. croyante, elle l'a encore, ma grand-mère, mais sur le côté de mon père, puis de sa mère, on crée, tu sais, le bon Dieu. À un moment donné, je discutais avec quelqu'un qui venait d'une culture du Moyen-Orient. Oui. J'ai dit, parce que là, elle m'expliquait qu'elle aussi, la forme, j'ai dit, OK, toi, puis moi, là, ensemble, là, on va en cœur envoyer chier Dieu. Là, elle avait peur, elle voulait pas. C'est drôle. Parce que moi, envoyer chier une forme, ça peut aller. Il faut être vraiment effronté. Des fois, je me dis, ça va du front, là. Oui, Parce que même mais. confronter l'invisible de même, c'est rendu à un point que je m'attends tellement à n'importe quoi. J'ai tellement aucune confiance. J'ai tellement aucun, plus aucun espoir, pas au sens d'être dans un désespoir. Je suis tellement démoralisé, mais pas au sens d'avoir perdu le moral. C'est que il y a tellement à ce niveau-là, j'ai tellement l'impression de m'être fait avoir, que toute l'humanité, on s'est fait avoir, que on s'est tellement fait rire de nous autres quelque part par quelque chose qui rit même pas, puis qui vient peut-être de notre propre de nos propres des propres forces qu'on n'est pas capable d'assumer, puis on s'est créé, comme je parlais l'autre fois, des moulins à vent, mais des moulins à vent qui sont des réellement forts parce qu'on les nourrit, parce que ça assume, ça gère les puis Ouais, c'est qu'au ça, fond, on les ces affaires-là. entretient. Ouais, c'est ça, c'est comme un maton, l'être humain qui crée l'ordinateur. Puis au bout d'un certain temps, il devient au service de la machine parce qu'il se ramasse à passer ses journées à regarder les textos sur le téléphone intelligent ou les messages par ordinateur. Ouais, mais lui, il a réellement un quelque part un consentement à se faire avoir. Ça Ouais, fait son affaire, mais en puis il même aime temps, il y a ça. une cyberdépendance qui peut s'installer par rapport à un système que lui-même créé, puis là, il va dépendre parce que là, j'ai pas reçu mon courriel à soir, je pourrais pas dormir, je sais pas ce que je vais faire demain, puis j'ai pas de confirmation de mon activité. Tu sais, il y a de la crainte, à un moment donné, la machine en vient, puis sa fascination par la technologie, elle le met dans un état de perturbation émotive qui peut être très profonde. Oui, mais même là, c'est aussi l'aspect de pas de perturbation. Il y en a, là, c'est parce qu'ils sont dans ces formes-là. Il n'y a plus rien qui les perturbe, puis ils pourront jamais aller plus loin parce qu'ils sont bien là-dedans. Tu sais, là, je regarde, là, peu importe c'est quoi le culte, peu importe c'est quoi les traditions, c'est quoi les religions, c'est j'ai tout le temps l'impression d'avoir affaire à de la merde, que c'est pas réel. Puis. Tu sais, au moins l'ordinateur, tu peux faire de quoi avec. Puis même si tu tombes dépendant, au moins tu vas le voir. Puis, mais tu sais, à un moment donné, quand tu es blasé tout au point où tu n'as plus peur, tu crains plus Dieu, tu n'as plus peur de. Tu sais, parce que même si j'ai à un certain point, j'ai à un moment donné, j'ai plus été croyant au sens traditionnel du terme comme d'autres, je savais qu'il y avait quelque chose, mais j'étais tellement plus. Que j'ai perdu toute crainte de ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est des choses de c'est mon ego qui a peur, c'est pas le reste. C'est des choses concrètes qui me font peur. Puis j'ai plus aucune peur de l'occulte. J'ai plus aucune peur de. C'est comme je disais l'autre fois, je dis, ben, s'il y en a des immortels là, qui ont la science infuse, là, ben, venez me voir. T'sais, vous savez où je suis, vous avez la science infuse, puis vous êtes immortel, puis vous êtes Oui, puis depuis que immortalisé tu as dans. fait cette annonce-là, il y a quelques jours, est-ce que tu as eu des visites? Il n'y en aura pas. Il n'y en a pas. La seule chose qui est. C'est un peu comme. Ben, Il y a j'en un moment reviendrai pas. donné. Oui. À un moment donné, Bernard, il disait, ceux-là, le monde, ils veulent voir des entités, ils veulent voir des ex-ils veulent voir des secours. Puis là, le téléphone sonne, puis ils sautent ça d'eau dans la maison. Ben, moi, je suis rendu à un point que c'est le téléphone. Comment qu'elle te sauterait pas? Parce que même que des fois, c'est. J'arrive pas à. Je suis même pas sûr que. Tu sais, j'ai plus aucune. J'ai pas nécessairement. La polarité entre le doute puis la certitude, mais tout ça tient plus. Puis l'idée de donner un sens aux choses, ça tient plus. Puis tout ce qui est un processus de représentation de la réalité normale, à mes yeux, je vois rien je vois plus rien de. C'est pas réel. La seule chose qui est réelle, c'est de l'énergie qui circule, puis qui. Je vois rien de. Je pense qu'il y a juste de. Même la conscience individuelle, je réalise tout le temps qu'il y a quelque chose d'autre qui est plus fort que ça, qu'au fond, c'est peu de choses. Puis, à force d'avoir. C'est comme l'affaire, là, de. Bon, c'est comme j'avais arrêté de fumer pendant plusieurs mois. Oui. Puis, j'ai recommencé à fumer. Une semaine avant un événement que je ne savais pas, mais que j'allais avoir à gérer un certain choc, je ne le savais pas. Mais quand j'ai recommencé à fumer, ça me disait, c'est mieux que tu refumes. Là, ça n'a pas d'allure. C'est quoi ça? Pourquoi? Ouais, mais ce qui Puis disait finalement, ça, c'est parce que là, dans le fond, c'est sûr que tantôt tu critiquais le concept d'entité, mais en réalité. Non, ben c'est, il y a quelque chose qui me disait ça, mais dans le fond, il n'y a rien. C'est moi, un autre niveau, qui a accès à qui est en dehors de l'ego, qui a accès à de l'information, qui est au-delà du temps puis de l'espace, qui va communiquer avec un ego qui est pris dans un espace-temps, lui. OK, Puis ben on essaye, ça moi revient au puis les principe que autres, c'est moi, toi en tant on essaye de qu'esprit. s'aligner. Ça revient au principe que c'est toi en tant qu'esprit, ce que certains appellent le double éthérique. C'est ça. Mais là, il y a des Parce gens que. qui vont dire aussi que c'est une forme, puis là, tantôt, tu contestes le Ben concept oui, d'entité, mais pour mais moi, en à même mes temps, yeux, dans c'est un pas le double. sens, c'est une entité aussi. Le double, c'est les expériences que j'ai eues avec ça doit être semblable à ce que d'autres ont eu. C'est à un moment donné, ça me parle, puis c'est bien clair. Puis c'est Oui. comme si quelqu'un me parlait d'extérieur, c'est même quasiment matériel. Puis là, à un moment donné, là, je voulais aller sur les plans. Puis je voulais sortir, puis j'essayais des techniques là, qui sont connues pour. À un moment donné, ça me dit autoritairement, tu perds ton temps. Arrête ça, couche-toi confortablement, puis on va aller voir. Puis là, j'ai eu ma première expérience intéressante par rapport à ça. Mais le double, je le vois pas comme le double. Je veux Ouais, dire, j'ai mais vu le phénomène, time j'ai vu out. le. Tantôt, tu disais que ça n'avait pas de volonté, mais ce que tu viens de me dire, c'est l'expression d'une volonté. Couche-toi tranquillement, c'est comme. Oui. Mais ça, c'est la forme que l'énergie a pris. Parce que moi, je suis un ego intellectué. J'ai un processus mental humain. Donc, l'énergie, faut qu'elle apprenne des affaires de même. Ici, si pour que l'énergie se rende, puis que. Mais c'est pas une volonté humaine au sens égoïque où on Ça, l'entend. je suis à Ce 100% n'est pas de d'accord la de toi. C'est volonté. pas une volonté d'un jeu qui se réfléchit. Mais même si c'est une volonté C'est. transcendantale ou transpersonnelle, ça demeure pas moins que ça a une intentionnalité, une intelligence qui te dirige dans une direction plutôt qu'une autre. Le principe de volonté ou de volition, en Oui. dehors de la conception psychologique humaine qu'on en a, c'est plus la même affaire. C'est ça que je veux dire. Est-ce que ces affaires-là ont réellement de la volonté ou c'est juste parce que l'énergie doit aller selon son appointement, selon certaines lois, puis ça va prendre ces formes-là qui ressemblent à de la volonté tout simplement parce qu'il faut que ça entre en communication avec un ego humain? Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr Parce que. que Ben, subject. ce que je Oui, veux dire, vas-y. c'est tellement, même j'ai l'impression que c'est comme, c'est tellement dehors de la normalité de comment est-ce qu'on est informé, de la façon dont l'information circule dans l'interne. C'est tellement dehors des concepts humains que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais des interlocuteurs, j'essayais de. Je disais, c'est lourd, puis ils veulent pas. Là, il était là tout d'un coup, parce que des fois, j'étais plus jaseux avec du monde. Puis le temps qu'on parle de certaines affaires, comme j'ai déjà parlé dans certaines vidéos, je trouve ça intéressant. Puis là, maintenant, je venais tanner parce que ça pouvait durer 12 heures de temps, les conversations. Mais dès que je tombe plus dans un mode comme ça, qui est tellement au-delà de la forme que ça n'a plus de sens, il n'y a plus rien, il n'y a plus de Non, non, repère. mais regarde, Là, la tout d'un façon coup, je n'aimais pas ça. que je le vois, ce que je peux dire, c'est que, dans le fond, moi, je peux interpréter que c'est une volonté de l'esprit en fonction de mon jeu qui réfléchit l'information, que l'interprète avec des formes que j'ai déjà dans mon mémoriel. Mais objectivement parlant, dans un sens absolu, c'est pas ça. C'est juste que, en termes réflectifs, j'ai pas une interface aussi vaste qui peut contenir le réel. C'est comme je suis un ordinateur qui peut pas contenir l'ensemble des informations sur Internet. Fait que veux pas, il y a une polarisation. Ou c'est comme mes sens qui sont limités, qui peuvent pas percevoir les infrarouges. Donc à ce moment-là, le spectre lumineux, je le perçois pas dans sa globalité. Puis en fonction de la partie du spectre lumineux, je fais des interprétations là-dessus, mais ça représente pas objectivement l'ensemble du spectre. Parce que toutes les formes comme volonté puis ces choses-là, c'est il reste que c'est profondément humain ces formes-là. Tandis que si parce que la vibration fait qu'il y a une sympathie puis qu'il faut que l'énergie passe à travers des structures parce que ça obéit à des lois, est-ce que c'est réellement une volonté au sens où on l'entend habituellement? Je Non, pense que non. je suis C'est d'accord. pas humain. Ouais. Puis on n'est pas humain. Moi, de plus en plus, là, Je veux dire, la partie, c'est comme si mon ego, c'était c'est comme si le plan matériel ou de l'incarnation planétaire, c'est une ligne d'horizon avec la mer, puis mon ego, c'est un petit bout d'iceberg qui dépasse. Mais l'être réel, c'est tout ce qu'il y a en dessous. Puis ça, c'est pas humain. Ben, je sais, il y en a, ils vont dire, c'est là aussi que je me dis, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un me dit, on a toutes la même source, puis je me fais bloquer. J'avais plus accès à rien, puis peut-être que c'est au fait que, justement, ça m'aurait porté à voir des choses, puis à parler des choses que, dans le fond, j'ai peut-être. C'est peut-être mieux pour parler de ça. Pas comme je l'aurais parlé quand c'est pas pour du monde au large ou un public, parce que j'ai plus en plus de misère à m'identifier à quoi que ce soit, puis ça fait que, ben, je me sens de moins en moins. Il y a une perte d'identité au sens de l'être humain. Je me sens plus tant que ça humain, ou même au sens où je me sens quasiment plus proche de... Puis ça peut avoir l'air péjoratif, mais pas prendre ça au pied de la lettre, là. Mais j'ai l'impression d'être une bébite qui n'est pas d'ici. Puis qui, pour des raisons expérimentales, ou je sais pas, ou d'énergie, ou peu importe, s'est manifesté dans un corps humain. Puis là, ça risque de faire plaisir à certaines personnes, en disant, ah, je le savais. Ben, c'est un ci, puis un ça, puis il est dangereux. Mais il reste que ça s'est tout le temps Ben, on pourrait manifesté mettre pareil des hypothèses à l'effet que tu pourrais être un extraterrestre Mais même là, incarné pour dans moi, le ça n'a même corps pas de humain sens. qui proviendrait d'une autre planète. Et aujourd'hui, tu nous fais des révélations à ce sujet. Non, je vais arrêter de parler comme Pas du ça, tout. mais... Ouais, parce que lui, à un moment donné, supposément qu'il allait arrêter de parler ésotériquement, puis ça allait être un grand jour. Manteau, puis moi, il va tout le temps parler ésotériquement. Ben, c'est correct, là, il fait sa job d'ésotérique, mais tu sais, t'as se demandé c'est quoi qui passait dans l'idée, mais qui arrête de parler ésotériquement, ça va être un grand jour. C'est humain qui meurt. On Va se verra faire bien, voir après, je qu'est-ce qui crois. arrivera concernant notre réseau terrestre Oh, on québécois verra. national, mais il y en a qui, c'est sûr qu'ils Mais. vont dire, à mettons, que dans une vie antérieure, c'était un extraterrestre, petit gris ou reptilien, puis là, sont réincarnés dans des corps humains biologiques. On peut Mais même raconter. ça, je peux pas Oui. m'identifier à des niaiseries de même. Ben, Là, j'ai dit ça spontanément, Oh, là. oui. Je dis pas que ceux qui, bon, que pour eux autres, c'est important que c'est des niaiseux, mais même le concept d'extraterrestre, il est pas intéressant. Bien, à ce Puis quand je le moment-là, on peut regarde, amener là, le concept d'extra-dimensionnel. même ça, c'est pas. Imagine, là, une place, il y a que de l'énergie. Peu. Il n'y a même pas de forme. Puis, ça a parti de là, puis ça se manifeste dans un plan qui est linéaire, qui est une dimensionnalité du reste. Puis, ça a pris les formes qu'on connaît, les formes de vie qu'on connaît. C'est-à-dire que, bon, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Oui, mais ça me fait penser à Jean Cazot qui dit « Dieu n'a pas créé le monde, il est devenu le monde. Ben, pour moi, ça n'a pas de sens. Je vois rien là-dedans. Je me doutais que tu C'est allais me drôle, répondre ça me quelque chose coupe. comme ça, mais disons que c'est une vision du monde qu'en réalité, le nouménal puis phénoménal sont interreliés parce que c'est la même chose. Ben là, ça n'a pas le choix de. Si on prend un contexte là, qui est lié à de l'absolu, puis là, le relatif, puis mais même là, comme la phrase sur le Dieu de nul le monde. Ouais. Il y a quelque chose là-dedans pour moi qui est encore. C'est de l'intellect, c'est humain. C'est de la philosophie, c'est de la métaphysique. Puis. Moi, la métaphysique, là, c'est pas assez. C'est pas suffisant. En philosophie, la métaphysique, c'est de la spéculation pure. Je ne sais pas pourquoi le terme est devenu synonyme d'autre chose, là, mais c'est de la spéculation pure quelque part. Puis pour moi, le concept de Dieu n'a pas de sens. Le concept du monde n'a pas de sens. Dieu est devenu le monde. Puis quelque part, oh, ça me court-circuite complètement ce que je vois dès que des fois je trouve intéressant, que je vais focusser là-dessus. Si tu m'amènes un affaire dans le même, que C'est comme si ça m'amenait à d'autres choses complètement. Parce que Dieu est devenu le monde. Bon, ben, fuck le monde. C'est c'est trop. J'ai presque envie de dire, c'est trop humain pour être réel. C'est des affaires trop. Il y a quelque chose là-dedans dans le fond, pourquoi quand je regarde des phrases de même, que je trouve ça vide, je trouve ça. C'est comme si je n'arrive pas à trouver. Puis, à part si on tombe dans de la philosophie, puis de la métaphysique, comme l'humain en fait depuis longtemps. Mais à place, comment que tu décrirais ce qui est réel? Ben, ce qui est réel, ça ne décrit pas. Ça, dès qu'on le décrit, c'est plus réel. Parce que c'est justement le fait qu'on décrit qui n'est pas réel dans l'homme. C'est le fait que l'être humain est obligé de situer les choses comme Adam qui donne un nom aux choses dans le jardin d'Éden. Il commence déjà à se faire garrocher dehors en faisant ça. Il entre dans l'intellect, dans la connaissance, puis il ne sait plus de quoi il parle. On ne sait plus ce qu'on est. On ne sait pas d'où on vient. On ne sait pas où on va. Justement parce que on veut décrire. Il n'y a rien à dé... Il y a juste... Même là, je viens, ça me court-circuite, je viens que je perds, parce que le seul fait de vouloir être rationnel, c'est-à-dire mesurer puis décrire, c'est un ratio. Oui, mais La dans le source, pas fond, ça. OK, je comprends ce que tu veux dire. C'est parce qu'on peut décrire intellectuellement, mais on peut décrire aussi vibratoirement. Oui, puis je trouve ça plus puissant. En tout cas, ça agit plus, ça a plus d'effet. Ben, c'est Au plus niveau là énergisant de. quand on parle vibratoirement Ah, tout oui. court, là. Mais je veux dire, c'est que dans la parole vibratoire, on peut en venir à travers la canalisation, à décrire qu'est-ce qui est réel. Ouais, le décrire dans ce qui se manifeste au sens de là, de la perception, puis les formes qu'on peut mettre pour le décrire justement. Exactement. C'est-à-dire, on peut Puis je exprimer trouve une ça limité. vibration, ouais. C'est comme l'affaire, oh, faut échanger, faut. Comment ça se fait que ce qui m'énergise le plus, c'est d'être seul, dans le noir, je pense plus, je réfléchis plus, puis j'ai plus conscience de rien au sens normal du terme. Puis si je passe beaucoup de temps comme ça, qui est une forme, c'est comme si je dormais, mais je dors conscient. Mais même si c'est pas de la conscience, là, au sens où on l'entend d'habitude, parce que je vais sentir tout ce qui se passe autour, là. C'est comme si je dormais, mais je sais que je dors. Ça va me reposer puis me recharger. Puis c'est justement parce qu'il y a plus, j'ai plus de forme, j'ai plus de réflexion. C'est là que je vais, c'est comme je. Il y a eu des temps là, où j'avais l'impression d'avoir vieilli, d'avoir perdu l'énergie. Puis là, j'étais tellement découragé. Puis là, je tombais dans un état comme ça, parce que je parle là, de certaines dépersonnalisation. Puis je passais un temps comme ça, un bout de temps, là, ça pouvait durer une journée. Puis après, je me réveille, je reviens, si on peut dire, dans un mode de pensée normal, là. Puis il me semble que j'ai rajeuni. Il me semble que je me suis régénéré. Puis le phénomène, je ne le comprends pas vraiment. Ben, c'est pas Mais il compliqué, c'est reste que je que connais rien de mieux que ouais, c'est ça. ça, c'est parce que dans le fond, quand que tu réfléchis, ça amène une usure prématurée à comparer de l'état de vide mental qui nécessite pas autant de consommation d'énergie. Ben, c'est un peu comme. Tu sais, faire passer de l'eau dans une. C'est comme ça, quand on réfléchit, on essaie de faire passer de l'eau ou de la lumière dans un tube qui est obstrué par un paquet de cochonneries. Puis, si on peut arriver à un état où ce qu'on enlève tout là, ça passe, puis la paille à l'usure, ça recule. Le tube, l'usure, ça va en arrière. Il y a un processus inverse. Parce Ouais, que, de dans le fond, régénération parce que tu résistes plus à oui. l'énergie, sa résistance à la libre Ça. circulation de l'énergie en soi qui amène une usure prématurée du corps biologique humain. Puis comment ça se fait que j'ai fini par considérer certains concepts, même qu'on retrouve dans ces milieux-là, comme des affaires qui obstruent le canal. C'est ça, c'est. Puis j'ai remarqué, admettons là, que je décide que Là, tout d'un coup, je veux l'aborder de la façon dont je le parle là maintenant. Les gens, là, c'est insupportable. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Puis c'est là que je me dis, coudonc, tu sais, moi, les gens, ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts, mais finalement, j'aime tout le monde. Puis je veux dire, je trouve quelque chose pareil chez tout le monde quand même. Puis je me dis, coudonc, il a raison, Sabourin, avec son affaire de résistance. Parce qu'il y a des certains sujets, c'est abordé d'une certaine façon. Je vois le monde, je vois la réaction, je vois le. Puis il n'aime pas ça. Mais ça Puis dépend, tu c'est. sais, des gens, tu sais. Moi, dans le fond, tu peux déconstruire n'importe quelle des formes que je peux te présenter dans le cadre de mes Ah entretiens. ouais, toi c'est correct. Mais je parle là, j'en ai jasé du monde là. Puis j'en ai vu là. Il s'agit que j'ose aborder des affaires jusqu'à un certain point, que je vais un petit peu plus loin. Puis pour moi, ils ont vécu quelque chose où parce qu'après, ils veulent plus me voir. Ils veulent plus rien savoir. Pourtant, j'ai rien. J'ai juste. Non, c'est parce qu'ils Puis. sont attachés à certaines formes, tu sais, dans le sens C'est que ça. si tu prends quelqu'un qui a passé sa vie à croire à la Sainte Vierge, tu dis ça n'existe pas, ben là, il voudra peut-être plus te parler. Par contre, tu t'es décroché des formes quand même que tu me dis que la Sainte Vierge, ça n'existe pas, les extraterrestres, ça n'existe pas, le double même, c'est une construction anthropomorphique, ça n'existe pas. Ben, Moi, c'est une j'ai pas de forme qu'on preuve. met sur quelque chose, puis ça prend forme. Ça veut pas dire qu'il faut le rejeter d'une. Tu sais, je veux dire, ça sert. Les formes, ça sert pareil. Mais c'est juste que, y a-tu quelque chose encore des réflexes? Il y a encore même chez les gens qui vont engendrer un processus de conscientisation, puis qui vont se mettre à canaliser plutôt. Est-ce que ça se peut qu'il y ait encore un réflexe qui est une réactualisation des réflexes anciens qui sont liés à la croyance, puis à l'émotivité? Puis, tu sais, c'est comme, j'ai quelqu'un de proche souvent, dès que je vois une manifestation émotive, je vais être porté à dire, ça, là, c'est pas bon. Je veux rien savoir de ça. Il faut avoir les fêtes frettes. Il faut être froid d'une façon presque totale. Tout de suite, je me retrouve face à. Le monde, pour eux, là, c'est impossible même de le concevoir. Mais je ne dis pas d'être dans un état permanent comme ça. Mais au moins, à un moment donné, au moins. Puis je me dis peut-être que c'est lié à une incapacité. C'est. Parce que d'être froid d'une façon vraiment là de. Ben, C'est c'est un peu d'être, comme. ça revient au principe d'être détaché de la forme. Dans le sens que, Oui. si dans le fond, moi, j'utilise telle forme, puis tu me la contais, je vais dire, OK, il y a pas de problème, ça ne m'amènera pas à réagir émotivement, puis à pleurer, puis dire, ah, Bertol, il m'aime pas, puis m'empêcher de dormir, puis de l'insomnie. Parce que pour moi, c'est une perte d'énergie démotiver une forme. Puis pour moi, toutes formes qui peuvent être émises par l'intellect peuvent être déconstruites. Puis ce qui est intéressant, c'est de discuter pour déconstruire ce qui n'est pas réel, puis d'aller plus loin dans la compréhension du réel par-delà la forme. Mais est-ce qu'on peut comprendre? Y a-t-il Oui. de quoi comprendre? Intellectuellement, il n'y a rien à comprendre. Ah, moi, mes yeux, puis ça va, là. C'est pour ça que il y a eu un temps, bon, je trouvais ça bien intéressant, puis tout. Puis par après, je suis revenu à plus à des choses. C'est comme si j'écoutais un film que fallait que ça soit niaiseux. J'étais rendu, je voulais plus rien savoir de quoi d'intelligent, je voulais plus rien savoir de. Puis je m'attachais à des choses banales, puis simples, puis Bien, c'est il sûr y a que que. si tu as connu un excès d'études puis d'approfondissement, ça peut être bien de tomber un peu dans quelque chose de plus léger pour te détendre. Ouais, mais c'est que. Y a-tu de quoi à comprendre? Est-ce qu'on peut faire de quoi? Puis est-ce que c'est important? Puis est où l'illusion là-dedans? Et c'est. C'est comme quand j'ai dit, ben là, je vais fermer ma chaîne, puis j'avais un correspondant, puis j'ai dit, j'ai pas envie de finir comme d'autres. J'ai pas envie de me consacrer à ça, parce que j'ai l'impression que je vais. Puis même là, c'est même pas une impression. Il y a quelque chose de. sais, je parle pas de faire des choix, une décision là, au sens d'un libre arbitre comme on l'entend, là, parce que comme l'autre jour, je regardais des documentaires des jeunes dans la rue, là, puis c'est un choix que j'ai fait, puis je voyais toute l'illusion, puis tout ce qui faisait qu'il n'y en a pas de choix, là, c'est pas les choix qu'ils ont fait. Ils sont en train de rationaliser leurs conditions, puis je me dis, dans ces milieux-là, est-ce qu'on n'est pas souvent, plus souvent qu'autrement, face à des phénomènes psychologiques qui, au fond, sont là pour... Il y a du monde qui va aller vers ça pour s'en éloigner, mais c'est inconscient, pour se protéger de certaines choses. Puis, il y a quelque chose qui fait que le côté, tout ce qui est... C'est comme aussi le phénomène, les groupes. Tu sais, il y a beaucoup dans ce milieu-là, tu as des groupes. Tu as, je sais pas, moi, tu as un site, puis là, tu as une clique qui est attachée à ce site-là, tu as une page sur tel autre site, puis tu as un autre groupe qui est là. Puis tu as quelqu'un là-bas que la personne a publié une couple de livres, puis tu as son monde autour. Puis là, puis toutes ces relations-là sont quand même pluguées ensemble parce qu'ils jouent avec les mêmes formes, pas de la même façon. Puis, sont tous les deux en train de, sont toutes la gang en train de construire ce qui va être le futur astral, bien plus subtil, bien plus difficile à voir. Puis, c'est pas pour faire une critique, parce que je pense que ces automatismes-là qui. On est en train de. Le tout pour le tout va être joué dans le sens que on va retomber dans des choses comme on a eu dans le passé, mais qui sont des versions peut-être nouvelles. Puis, à un moment donné, je regarde ça, puis je me dis, c'est là que je me suis mis à dire, ben, l'important, c'est, tu sais, j'étais quasiment aveugle de dire, ben là, l'important, dans le fond, là, c'est des affaires comme, tu sais, t'es-tu capable de manger, d'avoir une capacité moteur à manger comme il faut, pas besoin de te faire torcher par quelqu'un d'autre, puis des affaires de même, ça, c'est la base, comptons-nous, ah là, je trouve qu'on devrait être satisfait, sans vouloir tout le temps aller vers des affaires qui sont liées à des structures qui font qu'au fond, on va répéter d'une façon encore plus sophistiquée des modes d'assujettissement. Puis c'est pas de l'assujettissement lié à des volontés externes, conscientes de non, c'est quelque chose qu'on nourrit nous-mêmes inconsciemment. Puis j'ai rien contre ces affaires-là, puis tout, mais je perçois quand même quelque chose qui fait que je pouvais pas faire partie de rien. De rien. Puis c'est comme, il y a quelqu'un qui me demandait dernièrement, c'est quoi qui fait ton affaire? C'est quand tu es bien? Puis j'ai dit, c'est rendu que je suis bien quand je suis en train de faire quelque chose de mécanique sans réfléchir, puis d'une façon d'automatisme, puis que j'ai pas rien d'extérieur qui vient trop me troubler, puis que de temps en temps, j'ai quand même à côté quelque chose à gérer, puis finalement, je viens que je suis bien parce que je. Pense plus, je réfléchis plus, puis pourtant je me promène d'une affaire à l'autre, mais j'ai ressens plus le même besoin de partage, de reconnaissance, de toutes ces affaires-là, Mais ça ça, c'est au vient que. niveau de l'âme, c'est au niveau de l'ego qui commence à se Ah, mais développer puis qui a besoin du support du collectif pour avoir une identité. même là, les gens les plus évolués, là, supposément, moi je ne suis pas évolué, là. Moi, je suis un trou de cul. Mais Nous les plus affolons évolués, pas puis tout, ici, oui. il me semble qu'ils sont à un niveau plus subtil. C'est tout. C'est comme, il y a des requins qui se promènent en haut, puis moi, je veux être une barbotte dans le fond. Je veux me promener dans la vase, puis rester là. Tout simplement parce que j'ai l'impression que comme ça, j'évite des pièges, puis que je vais peut-être me développer mieux, mais c'est tellement quelque chose d'individuel d'une façon totale. C'est comme là, parler de certaines choses, ça me stimule, puis ça m'apporte quand même quelque chose, puis ça me permet de le parler d'une nouvelle façon, certaines choses que même des fois, je ne pensais pas pouvoir le parler. Mais il reste que je suis rendu que c'est pas important, c'est pas. C'est comme si j'étais un blasé de. J'ai rendu un point que Je me sens plus trop une personne, je me sens plus trop quasiment un être humain. Puis c'est pas que c'est d'autres choses, puis c'est pas quelque chose d'inhumain au sens péjoratif où le monde l'entend. Mais plus ce que je vois là, animer un paquet de monde, puis faire que bon, il y a des mouvements, puis ils vont être poussés à faire telle chose, pas faire telle autre chose, puis je l'ai plus, puis j'ai pas un sentiment. J'ai pas un sentiment de. Pourtant, si je suis dans une incertitude totale, puis je sais jamais ce que je vais faire, je sais jamais ce que je. Puis pourtant, c'est la chose la plus. L'état le plus confortable que je vais avoir vécu jusqu'à maintenant. Puis même si des fois, comme mon entourage, j'ai l'air bien fin, même bien sympathique, mais dans le privé, ben, je fais chier pas mal. T'sais, je suis un hostie. Donc, ben, je veux dire, ben, là, dis ça comme ça, mais je suis quelqu'un qui a un caractère imprévisible. Je sais jamais. Puis même là, souvent, la plupart du temps, je suis bien tranquille, je suis bien calme. Puis c'est bien rare que je vais me choquer, mais il reste qu'il y a des aspects de moi, de choses que je peux dire. Moi, c'est surtout par la parole. Tout d'un coup, je vais dire quelque chose d'inattendu, puis ça va faire des chocs à l'entourage. Puis il reste que. Mais en même temps, tout sert, fait que, tu Ben oui, mais si j'ai rendu qu'il n'y a plus mais rien si tu sors de d'important. laxatif parce que tu fais chier du monde, C'est ça. peut-être Ben, mon père, que, il me disait ça. Il me peut-être disait qu'à un tout le moment temps, donné, il y chier. a du monde qui vont sortir de la merde, comme on dit. Ils vont sortir la map. Ben, en tout cas, je sais pas. Aussi. Donc, je prendrais de la main moi-même une autre forme de map, puis Ben, c'est. c'est ça, c'est parce que dans le fond, ils vont s'épurer. Tu vas leur permettre de séparer le subtil de l'épais. Ouais, peut-être. Mais il reste que c'est comme des fois, je suis dans un état, il n'y a plus rien d'important. Mais pas au sens, c'est plus important au sens psychologique. Tu sais, je deviens un vrai con, là. Je me fous de ce que le monde va penser. Ouais, mais Puis c'est pas c'est là que un je je, reste. c'est parce que c'est ça ce qui est intéressant, c'est que si c'est un je m'en foutisse au niveau de l'ego versus un état de détachement psychique, c'est pas pareil. Parce que je m'en foutisse, c'est une attitude psychologique réactionnaire par rapport à des Oui. contrariétés. Ben, il reste que c'est jamais vraiment volontaire égoïquement, puis ça ne crée jamais non plus des remous graves. Là. C'est pas comme. Mais il reste que je suis pris pour voir, si on peut dire, la transformation, puis plus ça. Tu sais, il y a quelque chose qui va avoir changé beaucoup avec les années, puis ça me trouble de moins en moins. Ça me fait de Ben, moins c'est en moins bien, ça veut peur. dire que tu es de plus en plus centré. Oui, mais. Il y en a autour qui paniquent des fois. Parce que, ils disent, Christ, c'est pas normal. Ben, Parce ça, c'est que, leur problème, c'est pas le tien. je le sais, mais après, moi, je suis obligé de les rassurer. Puis de dire, ah, Pas j'ai dit obligé. ça, mais. Ben, dans certains cas, c'est ta vibration, tu peux réajuster le tir, mais sinon, t'es pas obligé de les materner non plus, là. Ouais, je le sais, ça. Mais quelque part, tu sais, j'ai encore le réflexe que des fois, bon, ben. Je suis pas non plus pour devenir. Parce que si c'est interprété psychologiquement, là, moi je deviens un peu comme un persécuteur quelque part. Ben, Pourtant, j'ai rien demandé. c'est parce que l'affaire, c'est que tant que la personne n'a pas intégré sa dimension psychique, son moi réel, elle va tout interpréter de manière psychologique. Fait que peu importe ce que tu vas faire, ça plaira jamais à tout le monde, ça c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Fait que je vais être porté à. J'ai. Si on peut dire. Tu sais, mettons, là, si on considère que le terme initié, c'est tout simplement quelqu'un qui a atteint un niveau de, si on pourrait dire, de par un droit de savoir ou d'apprendre quelque chose. C'est comme si la vie d'initié, il faut qu'elle reste séparée de la vie, en général, la vie de quelqu'un, parce que sinon, ça fait du monde dangereux. Puis je me dis, si j'avais pas cette notion-là, puis que j'avais pas certains mécanismes de protection autour, je serais quelqu'un de dangereux, puis que je pourrais faire. Même, il y a quelqu'un qui me dit aujourd'hui, il n'est pas question de pas te surveiller, pas te regarder aller, seul, tu es dangereux. Puis moi, je me sens pas dangereux parce que je les ai déjà, ces affaires-là, d'intérioriser, mais il reste que. Parce que ça dépend sur quoi que la personne s'appuie pour dire ça, là, tu sais. Ouais, ben là, c'est sur de l'interprétation psychologique, comme tu disais. Mais il y avait quelqu'un, à un moment donné, qui me disait, il dit, voyons, tu as du charisme, tu es intelligent, tu maîtrises certaines affaires. Dis, moi, j'étais à ta place, là, je me partirais ma sec, puis je ramasserais le cash, puis j'aurais plein de pitounes autour. Puis je me disais, quelque part, ce qu'il dit, puis ce qu'il pense, puis ce qui fait que lui, il ferait ça, c'est pour ça qu'il n'aura jamais accès à certaines affaires. Moi, j'aime mieux être pas important pour personne, mais vraiment personne. Moi, il n'y a rien qui me fait plus chier que quelqu'un qui m'aime. Au point où je vois des fois forcer la note un peu en voulant dire, gal, aime-moi pas trop, parce que j'aime pas ça. Non, mais c'est sûr que c'est des gens qui sont trop collants auprès de toi. À un moment donné, ça devient étouffant Non, pas aussi, là. nécessairement. Ben, disons, moi, j'ai le collant facile, c'est-à-dire, ça n'a pas besoin d'être loin pour que je me sente trop collé. Puis, j'ai quelque chose, si je regarde comme à l'école ou dans d'autres activités, je suis quelqu'un de sociable. Mais il y a quelque chose chez moi qui est de plus en plus une forme d'individualité qui. En tout cas, il y a des mécaniques là-dedans que je ne comprends pas encore. Puis il reste que, comme je dis, j'aime mieux passer pour un fou, puis un bouffon, puis un trou de cul, que d'avoir une importance quelconque. Puis j'aime mieux avoir justement ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, de la liberté que des responsabilités par rapport à la vie des autres, par rapport à leur évolution, entre guillemets, ou évolution peut-être. Puis j'aime mieux, dans le fond, là, c'est bien mieux être. Peut-être pas. C'est là que j'en viens Ben, par réflexe à. oui. Ben, c'est pas un réflexe. C'est comme si le mécanisme qui était anciennement psychologique de protection de soi-même, à un moment donné, il revient de bord puis ça devient de la protection des autres. Ouais, mais encore là, faut-il qu'il y ait menace? Parce que quelqu'un qui intègre sa conscience, qui devient centrique, il cherche pas à foutre le bordel dans son environnement. Non, c'est pas dans ce sens-là. Les autres sont leurs propres menaces. Puis si tu les mets en vibration d'une façon que ça. Ils vont. C'est comme si là qu'il y a du monde qui vont capoter. Oui, mais C'est si tu pour leur crées ça des que. chocs vibratoires par rapport à ce qu'ils sont pas capables de contenir. Ben, regarde Bernard, à un moment donné, je pense qu'il y en a pas mal qui le savent. Il y a eu des gens qui ont mis fin à leur jour. Puis, Mais il y c'est en pas a d'autres nécessairement à aussi. cause de lui, c'est de Non, l'interprétation qu'ils ont faite de son non, non, matériel. non. C'est pas à cause de lui, c'est à cause. Mais justement, est-ce que c'est pas mieux, des fois, que je ferme ma gueule à cause de l'interprétation subjective psychologique humaine que d'autres pourraient en faire, puis vu qu'ils sont fragiles et qu'ils sont un danger pour eux-mêmes, s'ils sont alimentés par une vibration trop forte pour eux autres, que là, quelque part, ce qui est intelligent, ce qui est de l'amour intelligent, c'est-à-dire du respect puis de la non-intervention dans l'expérience des autres, c'est justement d'avoir un mécanisme de garder cette énergie-là puis de pas la diffuser, quitte à créer quelque chose autour que moi, c'est mieux que le monde pense que je suis un fou puis je suis, tu sais, que moi, dans le fond, je suis dans le champ. Je comprends rien. Je suis un imbécile. Parce que je trouve que, quelque part, ça laisse une. J'aime mieux avoir, comme je disais, une liberté entre guillemets que des responsabilités en Non, non, mais c'est parenthèse. sûr qu'en effet, il vaut mieux être libre individuellement que chercher à prendre en charge l'humanité, puis jouer au sauveur, puis être dans une attitude parentale avec les gens, là, c'est sûr. Ben souvent, là, je vais avoir du monde autour qui vont dire, oh, il est arrivé telle affaire, puis là, il se passe telle chose, puis oh, c'est pas drôle. Puis moi, immédiatement, par réflexe, je réponds, je m'en fous. Ça m'inquiète pas, ça me dérange pas, j'en ai rien à faire. Puis là, je vais me faire répondre des affaires du genre, ben, c'est des êtres humains. Hein? Puis là, je vais répondre quelque chose genre, justement, c'est des êtres humains. Je m'en fous. Puis c'est pas d'un manque d'empathie, C'est juste l'affaire de créer quelque chose que moi, j'ai besoin de gérer mon énergie d'une façon Non, ergonomique. non, mais c'est ça, t'as Puis, pas à dilapider tes énergies ouais. vitales par rapport à qu'est-ce qui arrive dans l'environnement. Puis le fait Ouais. que je dis ça, que tu sais que oh, je m'en fous, ça m'atteint pas, c'est pas parce que j'ai même pas à l'expliquer. Parce que j'ai pas à faire ça. Je veux dire qu'il y a des gens qui pensent que. Qui pensent. Il y a des gens qui pensent que s'ils se sentent concernés par quelque chose, c'est eux qui vont pouvoir influer sur, au lieu que ce soit toutes ces choses-là qui influent sur eux. Puis ça, c'est des portes ouvertes pour des s'en est, là, ils rentrent des chevaux de trois, puis c'est lié à l'émotivité, c'est lié. Puis à un Ça peut moment faire des donné, là. sauveurs, ça, mon cher, parce que là, Ben ils oui, veulent ben ils sauver la pourront pas se personne qui est sauver menacée. eux-mêmes. Ouais, ça fait partie des paradoxes. Mais Ben là, c'est de la est-ce qu'on. manipulation, hein. Ben oui. Puis moi, j'ai pas envie d'être un manipulateur. J'aime autant là, que le monde. C'est pour ça que je dis, bon, l'important, c'est vous. Il y en a avec qui je jasais, puis il me posait une question. Ben, toi, t'en penses quoi? Toi, tu vois quoi, toi? Parce que c'est tout le temps, il y a comme un réflexe de tout le temps vouloir avoir aller prendre la perception de l'autre pour avoir une mesure de soi-même, se situer par rapport aux autres, situer Ah, les mais autres par rapport à soi. Bernard de Montréal disait, mon cher, qu'on n'est pas intelligent tout seul. Ben oui, mais on est multidimensionnel de toute façon. La notion individuelle de je n'est pas réelle. Fait que de toute façon, je ne suis jamais tout seul. Puis il y a quelque chose qui m'alimente, qui fait que je me sens pas tout seul. Puis que je me sens plus, quand je suis tout seul, je me sens pas devenir un imbécile non plus. Il y a Non, quelque c'est chose ça. C'est sûr là-dedans. que on pourrait amener ça dans le rapport entre l'individu en tant qu'homme et son esprit. Bon, ben, ce qu'on pourrait dire des contreparties. Parce qu'au Ouais. fond, l'âme, c'est juste comment je pourrais dire ça, une énergie de base qui enregistre de la mémoire, de l'information, puis qui est liée à si on peut dire, des programmes, que quand il y a de l'énergie qui pose dedans, ça s'active ou pas. C'est des affaires que je vois d'une façon très mécanique. Puis c'est comme l'esprit aussi, c'est comme de l'information. En dehors d'une formation, puis après ça vient de l'information, puis c'est aussi une source d'alimentation, puis même les termes, là, âme, esprit, le pire esprit, puis ces choses-là, ça me fait plus vibrer. Ce qui me fait vibrer, il n'y a pas de mots. Puis c'est peut-être là que ça va péter, puis qu'on va pouvoir ramasser. Je sais qu'il y en a qui ont un grand fantasme là, de devenir éternel dans la matière, puis tout, ben, peut-être que ça commence là. D'arrêter justement d'être impressionné dans l'âme par des formes expérimentales, puis créer des concepts, puis Oui, mais c'est avoir. sûr que la minute qu'on est impressionné, on n'est plus libre, puis on émotive quelque chose, donc on dilapide nos énergies vitales. On n'est jamais libre de toute façon. Rien que l'esprit. Oui, mais c'est-à-dire que, comme tu disais tantôt, l'esprit, c'est nous, c'est soit un autre niveau, ce qui veut dire qu'un aspect de nous-mêmes qui est libre à quelque part. Ouais, puis là, nous autres, on veut être ça dans un ego. Ouais, ben c'est l'esprit du processus de la fusion, c'est-à-dire que les deux éléments se rejoignent puis qu'il y a une intégration, une synthèse. Ouais, pourquoi pas. Bon. De toute façon, tout est correct. Je veux dire, je peux pas. Il y a des affaires, des fois, je vais donner un avis. Mais je ne vais pas dire d'une façon catégorique comme ça. Mais il reste que, bon, et des fois, tu sais, il y a encore pas mal. Il y a comme on sait comme s'il y a des affaires qui habitaient des religions anciennement qui sont en train de revenir sous d'autres formes. Puis. Même ça, c'est comme s'il y a de l'inconscient, c'est-à-dire du passé, qui veut s'actualiser, se faire passer de la conscience, c'est-à-dire que ça assujettit le présent. Ouais, c'est Puis des ça programmes. hypothèque le futur. Ouais, c'est comme des programmes qui sont subtils, qui cherchent à passer en dessous de notre radar de détection psychique, puis qu'on soit manipulé par eux à notre insu. Si là, on tombe dans des choses tellement subtiles que si je prends quelqu'un qui est pas prêt pour ça, puis j'essaie de gérer ça de force, là, il va finir dans un asile, il va finir en psychiatrie. On peut pas faire ça, on n'a pas le droit. Puis ça va se faire, là, je veux dire, quand Si ça quelqu'un a à est se prêt, faire dans la vie présente de l'individu. ben oui. Puis même là, c'est peut-être moi qui est fou. Je veux dire, c'est pour ça le monde, quand toi tu dis, tu Oui, sais, croyez pas ce que je dis. exact. Moi, je préfère dire, ben, peut-être que je suis un fou, peut-être que j'ai pas d'allure, peut-être que je suis dangereux, peut-être que. Bon. Puis ça revient au même parce que c'est. L'affaire, c'est de pas donner d'importance à rien, mais au sens, tu sais, c'est comme là, il y a une transcription pour un livre. Oui. C'est bien correct, ça peut servir, mais. J'ai pas envie que ça devienne quelque chose, tu sais, de fixe, un objet qui sert à ça. C'est, tu sais, pas que ça devienne un L'Évangile selon totem. saint Berthold, chapitre C'est 1, ça. verset 2. C'est pour ça que je dis tout puis son contraire. Ben, Puis c'est ça, que il faut être souvent, je capable veux de dire. déconstruire la forme, c'est ça, pour pas que c'est dans le fond. Si un livre en passant qui est produit, faut pas que ça devienne un objet de culte. Mais non, La au Sainte Bible de contraire. Berthold, là. Parce que justement. Ce que je fais, si jamais quelqu'un le prend pour faire une doctrine ou un système avec, c'est sûr que c'est pas bon, sa doctrine puis son système. C'est sûr, sûr, sûr. Parce que c'est le contraire, moi, que j'essaie de. C'est pas de tu sais, qu'il n'y ait pas de. C'est pour ça que je dis, je vais dire, c'est des paradoxes, puis je dis tout et son contraire. C'est justement, il faut que ce soit juste de l'énergie. Faut pas y donner d'importance psychologique. Si c'est vivant, c'est correct. Oui, ben c'est Mais ça, c'est parce qu'il faut éviter qu'il y ait une fixité de la forme qui va faire en sorte que ça va créer une secte ou une religion ou une doctrine au fil des siècles là, par rapport à ça. ben, si jamais il y en a un qui prend ça puis qui en fait un système, qui en fait une doctrine, qui en fait des outils, qui en fait des techniques, ça, je le dis là, c'est parce que il a absolument rien compris, parce qu'il n'y a rien à comprendre dans ce que je dis. Dès qu'il y a quelqu'un là qui comprend ce que je dis intellectuellement, c'est dans, ça peut pas, parce que ça se comprend pas, ça se voit. Puis même là, tu sais, pensez voir quelque chose. Puis mais j'ai pas de, c'est comme je dis, j'ai pas de doute, j'ai pas de certitude. Puis c'est pas important. Puis il n'y a rien à comprendre. Puis je sais que juste ça peut sembler des non-sens, qu'on dit ça sert à quoi. Ce que ça sert, c'est si ça crée quelque chose qui est vivifiant, puis que la personne s'est énergisée par ça sans être troublée, que c'est pas troublant, c'est juste, tu sais, c'est le fun. Puis j'ai lu ça, puis ça m'a vivifié. J'ai pensé différemment au point que, bon, ben, je me casse moins la tête. Parce que je suis. On a produit tellement de livres que le monde se casse la tête avec. Moi, je veux un livre qui c'est le contraire. Dans le sens que, justement, si c'est ce que je dis, bon, puis c'est transcrit, puis tout, puis que la personne est réellement réceptive, puis qu'elle n'est pas dans un mode psychologique, ça fera jamais de mal, c'est impossible. Ça Non. deviendra jamais quelque chose de morbide ou de mauvais ou de malsain, parce que. Faites très attention pour que dans l'ensemble, il n'y ait absolument rien pour ça. C'est là, des fois, ben, faire attention dans le sens, pas que je fais attention intellectuellement à ce que je dis, parce que des fois, là, si je faisais attention, là, ça ne serait pas intéressant. Mais je sens quelque chose qui vient, si on peut dire, s'ajuster au-dessus, puis ça fait que ça, il va y avoir quelque chose qui fait que. Il n'y en aura pas de doctrine possible avec ça, à moins que quelqu'un déforme complètement, qu'elle vous prenne l'énergie puis le mette dans des formes. Parce que c'est déjà informe. Puis, très flou, là, si jamais un jour, là, il y a des groupes, puis là, eux autres, là, ils ont le livre à Berthold, puis là, eux autres, ils donnent des directives, genre, faut plus que tu prennes de notes. Tu sais, des affaires demain, faut plus que tu mettes ton cadran le matin, parce que ça, c'est du structure. Drette, là, il y a un problème, là. Ça veut dire que c'est complètement. Ça veut dire que la personne n'a pas rapport avec ce que je dis. Ça n'a pas rapport avec ce que je dis. Il ne faut pas que ça ait rapport. Il faut que le monde soit leur propre. C'est juste ça. C'est Leur propre juste. programmeur, comme tu disais Ben tantôt, oui. là. C'est-à-dire que, pour moi, La parole qui a une utilité, c'est celle qui va ramener la personne à elle-même. Ouais. C'est fondamentalement l'essence de mon propos au fil de tous mes enregistrements, c'est de me ramener à moi-même puis d'inviter les gens à en faire autant. Parce que Oui. si la personne se fixe en fonction de qu'est-ce qui a été dit, puis elle veut en faire une doctrine puis l'intérioriser, à ce moment-là, elle se coupe de son potentiel créatif, puis elle s'enlise dans des formes, puis dans des mémoires, puis en d'autres termes, elle s'astralise avec ça. Ben oui, parce que là, c'est carrément du dressé de ça. C'est quelqu'un qui remange des. En tout cas, là, je suis un peu moins en vibration par rapport à ça. J'en ai tellement dit, là, pour une fois, que je ne me souviens pas de tout, là, mais probablement j'en ai assez dit. Ça pourra soi. Oui, mais avant qu'on se quitte, j'avais eu une question qui m'a été parvenue il y a quelques jours là, sur Facebook. Donc, il y avait Rachel là, qui voudrait savoir qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu penses par rapport à l'humour. Donc, une question un peu plus légère. Ben, l'humour pour moi, là, ça fait, c'est un peu comme, justement, c'est jouer à laisser l'énergie se promener, puis ça relâche, tout simplement. L'humour, là, c'est pas la polarité de ce qui est sérieux, mais c'est justement quelque chose qui détruit des formes, c'est quelque chose qui sert à déconstruire, puis c'est très, très important parce que ça allège. Puis même là, est-ce que c'est ce que je pense de l'humour? Je pense que c'est une constatation. Moi, j'aime mieux écouter quelqu'un de comique que quelqu'un de sérieux. Puis si j'écoute quelqu'un qui a du sérieux, faut il faut qu'il ait de l'humour un peu. C'est pour ça que, justement, Bernard, il était comique, là. Puis heureusement, Oui, ben ça Bernard de prend de l'humour. Montréal, oui, dans ses enregistrements publics, entre autres, je pense à la collection Psychologie évolutionnaire qu'il a faite vers la fin de sa vie. Par contre, dans ses enregistrements où ce qu'il parlait tout seul et qui était réservé à des séminaristes, ce que certains Ouais, là, appellent les communications ça n'a préparatoires, pas le même but. c'est Ouais. ça, il n'y avait pas C'est pas la d'humour, en tout cas, même je chose. trouvais, là. Mais l'humour, c'est très important au sens social ordinaire. Parce que quelqu'un qui se prend au sérieux, il est fait. On peut être confronté à quelqu'un qui est colérique, qui est en opposition, puis tu sors une niaiserie, puis si tu viens de désamorcer, mais il faut que ça soit fait comme il faut, puis ça faut que ça soit spontané. Mais l'humour, là, c'est quelque chose qui est très important. Mais je vais avoir de l'humour si j'en ai besoin par rapport avec qui je suis en rapport, puis ça va venir tout seul. Mais quand je suis tout seul, j'ai plus d'humour, là. Non, je comprends, mais Il n'y c'est a sûr que plus l'humour a une d'humour. fonction pour déconstruire les formes, dérigidifier des choses. C'est ça. Parce que c'est comme les gens là, qui élèvent des enfants, puis qui sont très rigides, puis que c'est d'inculquer des valeurs, d'inculquer des. Bon, puis il y a toujours de la rigidité, puis ils s'amusent pas avec leur enfant. Ils vont créer quelqu'un qui va fuir le sérieux toute sa vie, puis qui va possiblement avoir des problèmes parce qu'il va développer quelque chose de contraire. C'est dans le rapport avec les autres. À un moment donné, il y a des tensions, il y a de la lourdeur. Puis l'humour, à mes yeux, c'est un déconstructeur de structures rigides qui bloquent de l'énergie. Puis c'est quelque chose d'important. C'est tout. Je vois pas autre chose à dire de ça. Mais l'humour, c'est très important. Même au niveau de quelqu'un qui essaie de nous imposer des croyances, pas de rire de lui. Mais le seul fait de constater intérieurement qu'il y a un aspect comique à certaines croyances, ça va faire qu'on va être moins en colère, on va être moins porté à réagir. Puis c'est bien, ben c'est ça, l'humour, c'est le fun. Souvent, je vais me demander est-ce que c'est utile, puis est-ce que c'est le fun? Ben l'humour, c'est les deux. Ouais, puis ça peut favoriser un détachement, dans le sens que quelqu'un qui est capable de rire quelque chose parce qu'il n'est pas totalement attaché à la forme. Ben oui. Ça aussi, ça en dit long. Quelqu'un qui n'a pas d'humour, qui n'a aucun humour, quand il est en train de socialiser, puis qui est en société, puis il n'a réellement aucun humour, puis il réagit mal à l'humour, ça, c'est quelqu'un, là, il y a des grosses lacunes, là. Ça fait des gens, même, moi, j'en m'inquiète. Quand je vois quelqu'un qui n'a aucun humour, là, je trouve ça inquiétant parce que on a affaire à quelque chose de, des fois, souvent, des fois, potentiellement dangereux. Quelqu'un qui n'entend pas à rire jamais, là, en société, tu sais, je m'en fous le monde quand ils sont, quand ils sont tout seuls, puis, mais quelqu'un qui est rigide, qui n'a pas d'humour. Puis, même on voit ça dans certains groupes, là, il y a de la spiritualité. C'est très mauvais signe. C'est, en tout cas, tu sais, tout ce qui est la lourdeur du décorum cérémoniel. Puis pourtant, souvent, c'est des choses, quand on les regarde, c'est complètement ridicule, ça devrait porter à rire. Lors du temple solaire, là, avec Louis IV puis Louis Épée, là, ils avaient l'air d'une vraie joke, eux autres, d'une vraie farce. Mais comme je dis, ils se prennent au sérieux, donc c'est inquiétant. Non, exactement. C'est sûr qu'il y a un bel adage qui dit, entre autres, que la conscience, c'est être capable de parler des choses sérieuses sans pour autant se prendre au sérieux. Ben, il ne faut pas se prendre au sérieux. Puis aussi, il y a quelque chose qui est. Quelqu'un qui se prend pas au sérieux va pouvoir en dire beaucoup plus souvent. Parce que quelque chose, c'est l'immunité du bouffon. C'est quelqu'un qui n'est pas pris au sérieux, il va pouvoir passer certaines choses pour certaines personnes qui vont être capables de le capter, puis il va avoir l'immunité du bouffon, c'est-à-dire que comme il se prend pas au sérieux, les instances qui pourraient être en conflit d'intérêt avec cette information-là vont pas avoir le réflexe de venir le persécuter, le faire taire nécessairement, à moins qu'il aille trop loin. Oui, exactement. Ben, ça me fait penser, entre autres, au philosophe jovialiste André Moreau, qui, dans les années 80, ici au Québec, a passé pour un humoriste, puis a dit des choses énormes à la télévision, qui, si elles n'auraient pas été dites sous le couvert de l'humour, n'auraient probablement pas passé. Donc, je pense, entre autres, le fait qu'il disait qu'il sentait Dieu, puis l'animateur, il pensait qu'il faisait une farce et qu'il partait à rire, puis les gens du public aussi. Sauf que il pensait sérieusement. Mais ça n'a pas été efficace d'une façon totale. Ça dépend tout le temps à qui on a affaire. Parce que si on a affaire à quelqu'un qui va faire exprès pour prendre au sérieux quelque chose qui a été dit par quelqu'un qui se prend pas au sérieux, puis qui sert de l'humour, puis que l'autre personne, là, elle l'aime pas, là. Puis qu'elle décide que moi je vais le prendre au sérieux, puis je vais faire en sorte par mon influence que le public va prendre ça au sérieux, puis on va retourner ça contre lui, ça va marcher. Comme ce qui est arrivé là, à M. Moreau avec Julie Snyder. Ça peut être. Parce qu'à un moment donné, quand quelqu'un est une personnalité publique, puis ça fait un bout de temps qu'il roule, il y en a des personnalités réfractaires ou qui ont de l'antipathie qui vont étudier ça. Puis là, c'est là qu'ils peuvent faire des pièges. Parce que se faire inviter par elle, c'était un piège quelque part. Elle avait pris. Bon, en tout cas, je veux pas embarquer là-dedans, là. Mais disons qu'il y avait un piège là, puis ça a fonctionné. Ben, pour moi, dans le fond, parce que lui, si on reprend ce fameux événement qui est arrivé en 1998, qui a été la dernière fois qu'il a été invité à TVA, puis par la suite, il a disparu essentiellement des médias de masse, là, parce qu'il était moins présent par la suite à la télévision, c'est qu'essentiellement, lui, il a dit, dans le fond, qu'il utilisait pas de condom, puis elle a interprété ça comme de quoi que lui disait aux gens à la maison de pas porter Pourtant, le condom alors qu'il n'a ah jamais dit oui, ça. Il a tout ben non, simplement parlé de lui dans sa situation, qu'il ne se sentait pas menacé par la c'est maladie, ça. que ce soit le sida, mais elle a Ben, interprété qu'il donnait ça comme commandement aux gens un peu partout, ouais, puis là, à mais capoter. c'était à la fête exprès pour le prendre au premier degré, puis après ça, que le public l'interprète comme ça. Mais Parce que encore elle n'est là, pas si est-ce bonhomme que. que ça, là, Julie Snyder, là, elle peut aller plus loin que le premier degré, là. Incapable Ben, ça sera de. évalué parce que si on regarde la vidéo, puis les gens qui nous écoutent, vous pouvez regarder la vidéo sur Internet. C'est une opinion. Ben, moi, mes C'est yeux, là, ça. Ben, elle réagit émotivement. Tu sais, je regarde son non-verbal, puis elle l'aime pas. oui, je sais, mais je sens Elle l'aime que pas. quand je sens qu'elle réagit dans cette situation-là, je mettrai la vidéo en bas de l'enregistrement présent, c'est que c'est un Tu sais, quand mouvement quelqu'un qui t'aime spontané, pas elle. t'invite, là. Oui. Mais dans sa réaction, moi, ce que j'ai capté, c'est un mouvement spontané, de peur par rapport à André Moreau, de contrariété. Je la sens très vibrante au niveau émotif. Je la sens pas Elle du est tout. arrivée sur ce sujet-là parce qu'elle l'avait déjà entendu en parler avant, puis elle savait ce qu'il dirait. Il y a quelque chose là. Quand quelqu'un qui t'aime pas t'invite, c'est mieux de pas se, d'être, de pas être dupe. De pas être dupe. Moreau, là, elle l'aimait pas. OK, puis elle savait ce qu'il dirait pas mal parce que Moreau, il y a quelque chose, des fois, sur tes sujets, il va répéter les mêmes formules. Puis elle a amené ça. C'est du moins qu'il parle du fait que, bon, il y a des mœurs un peu. Elle dit, ouais, mais il faudrait peut-être recommander aussi d'importer. Hein. Elle savait ce qu'elle allait dire, puis elle a mis ça au premier degré pour retourner. Tu vois l'énergie de la salle se retourner contre lui. Puis ça, c'est quasiment, là, pour ceux là, qui sont pas, qui n'ont pas une vision abstraite de certains types de sciences, puis tout, ce qu'elle a fait, c'est pas loin de. Elle montre qu'elle est capable d'amener une salle. Elle est capable de prendre l'énergie d'une salle puis la retourner contre quelqu'un. Puis moi, je l'avoue, quand j'ai vu ça, c'est fait sciemment. Oui, ben, c'est-à-dire que la salle a eu André Moreau, fait qu'elle a réussi à Ouais. mobiliser les gens Mais dans c'est son qui? sens. Mais c'est Mais parce c'est qui a que, pris ce oui. qu'André Moreau, qui a fait dire quelque chose à André Moreau, on connaît, puis qu'après. En tout cas, moi, je le vois. Moreau, il était piégé par elle. Mais encore faut-il qu'il soit déstabilisé par elle, Ça. parce que moi, je l'ai perçu comme étant que resté centré tout le long de l'intervention, puis c'était que le gros sourire au Ouais, sa visage. carrière médiatique est finie, là. Oui, mais il n'a pas été déstabilisé de ce que j'ai perçu de Ah non, l'événement. il a juste été déstabilisé dans tout ce qui était, ce qu'il avait besoin au fond pour diffuser son œuvre, c'est-à-dire d'avoir des tribunes, de pouvoir aller à la télévision. Après, il y a juste des gens un peu à part, qui underground, qui l'invitaient. Puis là, c'est restreint de son public, elle l'a restreint, là. Parce que là, il était barré ici et là. Ben, T'sais, Moreau, on ne le ouais. verra jamais, tout le monde en parle, il est barré depuis ce temps-là. On ne le verra jamais non plus t'sais, à moins qu'ils veulent s'en servir pour le. Comme il est invité là, c'est quoi le réseau là, qui a été racheté par les frères Émilard, là, je pense que c'est Caroline Proulx qui animait une émission. C'est ça, Elle l'a à invité pour Canal parler du V. polygamisme. Puis elle sait qu'il n'est pas polygame, Moreau. Il n'est pas polygame parce qu'il ne se marie pas, Moreau. C'est Mais ça, mais... pour parler du. Mais là, lui, il explique, mais je ne suis pas polygame. Puis elle a continué à insister, mais vous pourriez avoir des problèmes. Puis, fait que dans le fond, là, ceux qui l'invitent après, c'est du monde de même. Mais encore faut-il qu'ils comprennent, peut-être qu'elle n'avait pas la finesse psychologique de faire la distinction Hey, entre voyons donc. polyamour puis polygamie. Hey, du monde qui ont étudié en communication, Ne nous puis ils affolons font pas. exprès. Moreau, là, c'est le clown qu'on invite là, pour avoir de l'audimat, puis s'il faut verger dessus pour ça, Ben, il y a parce plein de qu'il n'est pas monde qui si nounoute confondent que les ça, mots. puis comme Julie Snyder, c'est pas une nounoune, Ben, là. en C'est tout pas cas, la qu'elle est fine, puis réactivité que je d'une l'aime, manière mais. assez émotive, puis je vais mettre l'enregistreur en bas de la capsule qu'on fait, là. Elle va quitter le C'est studio. Tu sais, elle est un chambardée peu une émotivement, actrice, puis il là. faut qu'elle quitte. Ben oui. Mais ça, là, c'est de l'actage. Tu sais, on saigne l'énergie, puis tout, parce que pour être un bon acteur, il faut que tu vives ton personnage. Bon. Puis c'est un peu, ça revient comme Justin Trudeau qui braille. Elle, là, tout d'un coup, elle est choquée, puis tout. Mais ça, c'est pour que la salle sente l'émotion, puis joue avec l'énergie de la salle. Puis dans le fond, là, les sciences de mesmérisation, puis de suggestionnement de groupe, puis tout ça, il y a du monde dans les médias. Sont initiés à ces affaires-là, sont au courant. Ça se parle entre eux autres, il y a des cercles, puis je suis pas celle qui. En tout cas, je veux dire, il y en a sont au courant, puis le monde des médias sont au courant de leur carrière. Tu sais, je veux dire, prends quelqu'un comme Jean-Luc Mongrain, que quand c'est le temps d'être objectif, il est objectif. Quand ça peut le servir, quand ça pouvait le servir d'être démagogue, il était. Puis il va tout le temps. sais, quand il décidait là, qu'il recevait quelqu'un, puis qu'il décidait que cette personne-là pourrait allait être déstabilisée, puis lui, il allait rentrer dedans, tu vois la mise en condition, tu vois en tout cas, le monde des médias, là, qui ont étudiant, souvent le monde, ils vont dire, bon, étudiant en communication, ça vaut quoi comme étude? Il y a, tu sais, les affaires, là, Julie Snyder, c'est pas une. Ben là, j'allais dire, c'est pas une tarte, je sais pas pourquoi je l'ai pas dit, mais c'est pas une nounoune. Puis, Ben, moi, elle n'est pas aussi nounoune que cette fois-là qu'elle a décidé qu'elle comprenait pas parce que ça faisait son affaire, puis comme l'autre et tout, qu'il l'avait reçu pour la polygamie, puis elle faisait semblant de pas comprendre ce qu'il disait parce que ça faisait son affaire. ben, c'est sûr que ça Moreau, faisait un s'il offre une bon tribune, il show. va venir. Ouais, c'est sûr que ça C'est faisait un ça. bon show que Ben oui, c'est ça. qu'il y ait une incompréhension comme ça. Au niveau spectaculaire, c'est très bon Oui. pour les codes Regarde d'écoute. Julie Snyder. Qu'est-ce qui est un des shows qui a tout le temps attiré des foules beaucoup, puis qui a tout le temps fait parler beaucoup? Les exécutions publiques. Puis la carrière médiatique de Moreau, ça a été ça, ce journée-là, avec Julie Snyder. C'est comme dans le temps du bourreau Radcliffe, là, il n'y avait plus de place pour les spectateurs, lui, tellement il faisait des exécutions, un spectacle. Puis elle, de quelque part, elle l'a détruit au niveau de sa carrière médiatique dans les médias de masse, les médias. Puis quelque part, c'est parce qu'elle l'aimait pas, puis peut-être qu'il y a une clique qui l'aimait pas. Puis elle a peut-être été choisie pour faire ça. Mais il reste que Moreau, il fallait le museler. Puis ça a passé par ça. Ça a été fait tellement subtilement. En tout cas, moi, ce que je vois là-dedans, là, Julie Snyder a tendu un piège à Moreau. Puis depuis ce temps-là, sa carrière dans les médias de masse est finie. Oui, mais c'est une interprétation parce que pour moi, Ben, inconsciemment, elle a réagi à certains de ses propos. Puis, tu sais. c'est sûr. Pourquoi tu penses qu'elle. Tu sais, ben, c'est comme, Ben, mettons, elle a là, peut-être pas la que. stabilité psychique pour contenir la portée de sa parole. Hey, là, Julie Snyder, elle venait à bout là, de se faire la main avec quelqu'un comme Laporte. Puis après ça, tu sais, quand tu regardes les chums qu'elle a eus, puis qu'elle s'est servie d'eux autres pour se faire une carrière, là, puis. C'était quelqu'un qui est très habile, cette dame-là, même si à un moment donné, peut-être que ça n'a pas été comme elle voulait. Mais c'est pas une nounoune. Je veux dire, elle a une intelligence technique au niveau de ces choses-là. Puis. Mais si intelligente que ça, à ce moment-là, si, J'ai admettons, elle est intelligence précise. Oui. technique. OK. Bon. Mais en tout cas, Mais c'est. ouais. Mais qu'est-ce que tu allais dire? Ben, à ce moment-là, tu sais, quelqu'un qui est très intelligent, pourquoi qu'il perdrait son temps à inviter quelqu'un qu'il n'aime pas à ce moment-là? Parce qu'elle a été mandatée pour le museler. Puis elle Mais a ça fait serait une vraiment job. intelligente, elle accepterait pas un tel mandat parce que pour elle, elle serait consciente que c'est une perte d'énergie. Mais non, t'as-tu vu la carrière qu'elle a eue après? Puis comment est-ce qu'elle a tout le temps été bien vue jusqu'à ce qu'elle chicane avec. En tout cas. Mais non, là, elle a été récompensée quelque part, là. Après, elle a pu être productrice, elle a eu toutes ses autres Ben, affaires, c'est pas ça a parce pas nuit à sa que carrière à elle. pour moi, c'est pas strictement par Ça rapport au fait fait. partie possiblement du job qu'elle a fait, entre autres. Moreau, c'est sûr que jamais il va admettre qu'il a tendu un piège puis qu'il est tombé deux pieds dedans. Jamais il va l'admettre. Mais il y en a d'autres qu'il suffit de regarder comme il faut comment que c'est. Tu sais, ça a l'air stagé. Puis elle est capable et tout de simuler des réactions émotives. C'est son métier. C'est comme un politicien ou, tu sais, je veux dire, c'est du monde des médias, là. C'est parce qu'ils ont un certain charisme, un certain talent, puis une certaine habileté. Puis c'est tellement. Admettons que tu as quelqu'un comme Moreau, puis Moreau, il dérange, là. Puis on veut lui faire fermer la gueule. Ben, tu prends quelqu'un comme Julie Snyder, là, tu te réunis, puis tu dis, bon, ben, comment qu'on fait ça? Fait que là, on étudie le personnage, on lui monte un piège, puis là, il va avoir une exécution publique de sa carrière médiatique qui fait qu'il va être complètement discrédité, puis on ne l'aura plus d'un genre parce qu'il y a du monde qui voulait le faire taire parce qu'il dérange. Quand il y en a un qui dérange, là, il y a des exécuteurs qui vont. Je veux dire, il va avoir un Oui, mais lyncheur, c'est il va avoir sûr que quelque le part dessus. système va se défendre, surtout qu'au Ben, fil du c'est temps, ça. André Moreau prenait de plus en plus de liberté. C'est-à-dire qu'au début, il disait pas qu'il sentait Dieu, puis qu'il était Dieu. Et au fil du temps, ben, il a commencé à dévoiler ça, d'en parler public. sais, d'affirmer Ben, dès qu'il le début, lui, il a choqué dès le début. Là, en arrivant, ben, très en arrivant. au début, il a créé des chocs, mais je veux dire, avec le temps, il en disait de plus en plus, dans le sens que de parler publiquement, qu'il sent Dieu, qu'une révélation à cet effet-là. Au début des années 70, il n'en parlait pas. Ça a été plus de au fil Et des... sa première conférence était sur le Marquis de Sade qui présentait comme un penseur des Lumières. Puis il y a eu une organisation de manifestations, entre autres par l'Église, puis ils ont été obligés de faire venir l'escouade anti-émeute. Tu sais, là, c'était un provocateur. Oui, dans un Puis, tu sais, sens. puis là, qui a eu une perte d'énergie quand il est allé au point G, puis que c'est pas Julie Snyder, c'est lui. Encore Puis là, elle, ça, c'est ta après, vision sa des choses, parce carrière, que tout à après fait, tout, ben. Richard Glenn, quasiment 20 ans après, avait reçu André Moreau, puis il avait visionné avec lui l'enregistrement de Julie Snyder, puis il a posé la question, est-ce que, c'était peut-être 15 ans ou 20 ans après, vous auriez dit la même chose, puis il a répondu oui. C'est sûr, il n'admettra jamais. Il l'admettra pas non plus. Moi, j'ai dit, bon, ben, Moreau, c'est une âme généreuse, puis tout, mais moi, je serai jamais un adepte. Je suis allé le voir, puis je l'aime bien, parce que je voulais le voir en personne. Ben moi non plus, je suis pas Aussi, je un voulais adepte voir, d'André bon. Moreau. Mais il J'apprécie, reste que oui, ce qu'il Moreau, fait, mais là, pas plus. c'est une espèce de maître. OK? Il y a quelque chose d'un maître. Lui, c'est un philosophe, puis il y a des disciples autour. Puis, jamais qu'il va admettre qu'il s'est fait pogner par elle. Jamais qu'il va admettre qu'il y avait un piège puis qu'il est tombé deux pieds dedans. C'est comme je te le disais tantôt, il ne l'admettra jamais. Puis il n'y a pas intérêt non plus au pouce. Bon, en tout cas, tu sais, je ne veux pas entrer dans. Mais moi, pour moi, c'est assez clair, là. Ça fait partie même d'un des lynchages médiatiques les plus efficaces que j'ai vus. Parce que Moreau, il dérange. Il dérangeait. Il disait des affaires par rapport aux mœurs, entre autres. Puis. Qu'il y en a qui disaient là, lui, là, non, il va falloir. Oui, ben c'est Puis parce ça a l'air que ça a que marché. ouais, c'est sûr que dire publiquement qu'il y a plusieurs femmes qui portent pas le condom, que des relations C'est pas sexuelles à de une... ça que je parle. Il y a des affaires dans ces livres-là que même moi, je suis pas content. Que même moi, là, ah, que j'ai de la misère avec ça. Puis j'ai pas envie de parler de ça, là, mais il a écrit des choses que. Je suis là, tu sais, je n'ai pas mon habitude de me mettre en opposition ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je ne tiens pas à Oui, rentrer c'est dans les correct, c'est détails, correct, là. c'est correct. Mais il a fait la promotion des choses que ça, là, non. Là, ça, c'est inacceptable. Puis d'habitude, moi, je suis contre la censure, je suis contre. Mais là, ah, ça va trop loin, là. Puis même là, c'est rendu. Comment je pourrais dire ça? Même à 1 mm de la limite où ça commence, c'est trop loin. Tu sais, dans le début des années 80, fin 70, début 80, il y a eu certains courants de pensée que, oh non, puis lui, ben, il y a du monde, puis il y en a d'autres aussi qui se sont lâchés lousse là-dessus. Puis, s'il était vraiment du monde si intelligent, si sage, puis qui voyait clair, il n'aurait jamais fait ça. Parce que même Moreau, à un moment donné, j'avais lu de quoi qu'il avait écrit, puis j'étais assez choqué pour compte que je me suis dit, Chris, je vais aller le voir parler. Tu sais, là, ce que je dis là, c'est un moment de coup. Tu sais, tu au pire, tu l'enlèveras au montage. J'ai dit, je vais aller le voir parler plein. Parce que j'étais choqué, je dit, va. Puis j'ai jamais été capable parce que j'ai été bloqué. Il y avait un paquet de monde dans le chemin, puis ce monde-là, je suis pas mal sûr, c'était des mémoires de ce qu'on pourrait appeler des morts. En tout cas, ça, c'est pour André Moreau, mais pour en revenir à toi, puis on va conclure l'enregistrement ensemble, parce qu'aujourd'hui, je voulais t'amener à parler de la canalisation, donc comment tu as commencé à vivre ça, le processus de canalisation, puis l'impact que ça peut avoir aussi sur nos vies. Et puis, par rapport au sujet de la canalisation, qui pour moi est fondamental, parce que quand on se conscientise, à un moment donné, on a réalisé qu'en tant qu'être humain, on est un canal à quelque part d'autres parties de nous-mêmes, comme tu disais tantôt, ou de ce que j'appelle notre esprit ou double, peu importe. Ben, une fois qu'on réalise ces choses-là, le point c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, là? Ben, si tu canalises, tu es supposé savoir ce que tu as à faire. Tu sais, je veux dire, ça dépend la qualité du matériel. Mais il reste que quelqu'un qui canalise, là, il est supposé voir ce qu'il y a à faire. Ou bien, tu sais, même la canalisation, est-ce que c'est aussi fort qu'une vue? Parce que de la canalisation, bon, moi, quand je canalise, là, ça va, c'est, je suis en train d'écrire, puis là, tout d'un coup, ça rentre, puis il vient des affaires. Oui. Ou bien, je suis en train de faire des exercices de géométrie, puis je vois des affaires. Mais, dans le fond, là, est-ce que ça m'a été utile? Dans le sens que c'est pas cet aspect-là qui m'a été utile, nécessairement formel, mais ça peut aider à dépolluer quelque chose du genre que la pensée vient pas de moi. Donc, quand je canalise des poubelles, je le vois. Dans le sens que c'est comme à un moment donné, j'étais couché, puis là, c'était une journée, j'étais fatigué, puis je m'étais dit, ah, que je suis tanné. Puis là, à un moment donné, j'ai allumé, j'ai dit, ça vient pas de moi, ça. Puis là, c'est comme si j'avais dit, t'es qui, toi? Pourquoi tu me dis ça, que t'es tanné? Tu sais, c'est quoi cette affaire-là qui vient me parasiter, puis qui est tanné, puis qui essaye de me faire croire que, mais qui essaye, entre guillemets, là, c'est une sorte de mémoire enregistrée qui venait, qui avait profité d'une faiblesse énergétique pour se manifester. Mais dans le sens, ça s'est fait d'une façon mécanique, puis il a fallu que je le rejette, puis tout de suite, après avoir rejeté ça, je me sentais plus tanné de rien. Mais, tout le monde canalise, parce que la pensée vient d'ailleurs. Canaliser, c'est pas nécessairement canaliser quelque chose comme l'esprit nécessairement. Canaliser de la pollution, ça se fait en masse. C'est ça que l'évolution. C'est comme, je sais pas, moi, les gens là, dans les groupes de métal norvégiens qui canalisent des textes horribles, ils canalisent, mais c'est des poubelles. Mais si la pensée vient d'ailleurs, tout le monde canalise. Là où c'est ce que ça apporte, c'est la capacité d'avoir du discernement dans ce qui est de la pensée. Les pensées qui viennent de mes contreparties, puis les pensées qui viennent de des mémoires, puis que c'est des poubelles. Parce que c'est comme quelqu'un qui devient fasciné par les SS, par exemple, puis qui analyse des poubelles, puis qui analyse des mémoires, puis il y a des pensées relatives à ça. Mais si jamais ça fait qu'il tombe dans des groupes criminels ou je sais pas quoi, puis que ça finit qu'il vient à bout d'avoir le discernement, puis de voir que ces pensées-là, c'était parasitaire, puis que ça lui nuisait, déjà là, le fait d'avoir canalisé des poubelles lui sert. Puis le fait de voir ça veut dire qu'il canalise sans le savoir encore quelque chose de plus haut déjà, puis qui va amener du discernement. C'est-à-dire des pensées élevé en vibration plus que les pensées qu'il y avait. Donc, des pensées sur ses anciennes pensées, des pensées nouvelles sur ses anciennes pensées. Les anciennes pensées sont évacuées, ça fait de la place, puis il rentre du nouveau. Ben c'est ça, dans d'autres termes, c'est l'entrée de l'intelligence vibratoire qui va remplacer le vieux matériel astral qui était dans sa conscience. C'est ça. Donc, ça sert, je veux dire, c'est comme si on disait à quelqu'un, ça t'apporte quoi? Penser, ben c'est sûr que ça apporte quelque chose. Puis le fait que l'être humain pense, un jour, il n'aura plus à penser. Puis il va savoir. Mais à ce moment-là, Parce est-ce que que. l'être humain sera toujours un être humain lorsqu'il ne pensera plus? Parce que, un peu comme, J'espère que non. ben, un peu comme tu disais tantôt, tu te sens moins en moins humain. Ben, c'est pas la notion d'humain que j'avais, qui était inculquée par les collectifs, disons. Mais je me sens de plus en plus humain, mais une notion nouvelle. Une forme d'humain. C'est un peu comme à un moment donné, là, on regarde ça, puis on regarde l'être humain sur Terre, humain rendu quasiment là, inconsciemment, un terme péjoratif, tellement c'est épouvantable, comment c'est abominable tout ce qui se passe. Ben, il va avoir le même terme, si on peut dire humain, mais la vibration sera pas pareille Ben, ça peut être dans un ailleurs. humain ou un homme avec un grand H, comme l'utilisait le Bernard. Ben oui, parce que. Quand il disait, je le sais qu'il y en a qui ont traduit, quand il disait l'homme, eux autres traduisaient par l'être humain parce qu'ils trouvaient ça trop masculiniste. Mais Ouais. quand Bernard disait l'homme, il ne parlait pas de l'être humain. Il parlait de ce qui vient après l'être humain. Puis, quelque part, ça crée de la confusion. Parce que quand on l'écoute parler, puis qu'il dit l'homme va faire ci, l'homme va faire ça, ou quand il parle de l'humain, il dit l'être humain est le même, puis il est le même, puis on n'a même pas le droit de s'appeler des humains encore, la vibration n'est pas pareille. Puis le fait de vouloir enlever un terme là, comme homme, parce que dans le fond, ce qu'il disait, l'homme, c'était la femme aussi, là. Ouais, c'était Mais eux autres, ils inclusif du vont. masculin puis du féminin, mais ça Ben pouvait, oui. ouais. Mais quand Bernard il dit l'humain ou l'être humain, puis quand il dit l'homme, c'est pas la même vibration. Non, Donc, exactement. Mais à ce moment-là, ça aurait peut-être été plus simple de parler continuellement du surhomme pour parler de l'homme avec un grand H. ouais, malgré que bon, le surhomme, si les Nietzschéens, mettons quelqu'un qui est Nietzschéen qui écoute ça, il comprendra pas. Ou bien il va comprendre ce qu'il comprenait avant. T'sais, donc le surhomme, c'est quoi, t'sais? C'est pour ça que là, après, il y a l'homme nouveau. Quelqu'un qui était dans l'ésotérisme des années, t'sais, des proches de la théosophie, puis tout l'homme nouveau, à cause du terme, il va peut-être, ça va colorer ce que Bernard dit. Bon, en fait, peu importe le terme qui va être Ben, utilisé, c'est ça peut toujours être coloré en fonction de l'appartenance ça. doctrinaire que quelqu'un peut avoir. Le nouveau nouveau, là, ça va être nouveau. T'sais, ça Oui. peut pas être trop coloré, mais ça a l'air tellement con. Mais c'est ça. Moi, je trouve ça que, tu sais. Mais c'était correct, pareil, je veux dire, c'était parfait. Parce que, dans le fond, ce qui était important, c'est la vibration qu'il y avait quand il parlait. Quand il parlait, il y a la vibration. On s'en fout, là, un peu de. C'est pas important, le terme. C'est vraiment la vibration. Puis, c'est. Le monde qui va se prendre les pieds dans le terme, puis au point de. Mais ça agit pareil. Mais même là, bon, au fond, je ne me prononce pas vraiment là-dessus. Là. Non, c'est ça, mais ça revient au principe que ce qui est important, c'est ce que la personne peut canaliser plutôt que la vibration qu'elle canalise plutôt que les formes qu'elle canalise. Ben oui, puis même là. Là, ben oui, c'est ça, c'est parfaitement ça, c'est très ça. Parce que je sais pas pourquoi j'ai eu comme ça, quoi. Il y a quelque chose qui avait. Mais non, c'est ça. Bon, ben, on peut s'entendre là-dessus. Donc, écoute, ça a été un plaisir encore une fois de discuter Ah, moi avec aussi. toi, Berthold. Et puis, c'est sûr que pour les gens qui nous écoutent, bien, sachez là, que vous pouvez retrouver là, sur ma chaîne YouTube là, de nombreux enregistrements là, que j'ai effectués dans le passé avec Berthold. Au revoir. Au revoir. Bye bye.